Alors, bonjour Maria. Oui, bonjour. Oui, voilà, donc Maria m'a contacté avec une question, hein. Donc elle a eu un partage avec ses frères, ses cousins sur l'identité de Jésus-Christ. Voilà, donc et Oui. Maria m'a contacté pour savoir en fait ce que comment je comprends la parole par rapport à l'identité de Jésus et ce que j'ai trouvé d'extraordinaire hein, et qui me conduit justement à pouvoir enregistrer notre partage de la parole à ce sujet, c'est vraiment la disposition d'esprit dans laquelle Maria est venue, parce que bon, Maria, elle a une compréhension en fait de Jésus-Christ, justement, mais elle est venue avec l'esprit ouvert. Donc, l'esprit ouvert, et puis elle m'a dit, bon, voilà, frère, voici ce que je comprends de la personne de Jésus, est-ce que tu peux m'expliquer ta compréhension des choses? Donc, ce qui est souvent assez rare, hein, en ce qui concerne la question de l'identité de Jésus-Christ, parce que souvent, bon, les gens viennent avec des idées arrêtées, et ils viennent plutôt dans le sens de la discussion et même de la dispute souvent quoi en se tapant les versets bibliques sur la tête voilà sachant que vraiment c'est pas dans cette démarche là pour comprendre véritablement l'identité de Jésus il faut c'est une question de révélation en fait et puis on va le voir avec des passages bibliques et il faut avoir vraiment beaucoup d'humilité par rapport à cette question donc même l'étude qu'on va faire de la parole. Nous n'avons pas la prétention, en fait, hein, d'avoir la vérité absolue, mais seul Dieu peut vraiment attester la vérité dans le cœur des enfants de Dieu qui suivront cet enregistrement. Non, Maria, je propose que nous commencions déjà par remettre ce partage entre les mains du Seigneur, parce que nous savons que sans la présence du Seigneur et son esprit, tout ce que nous allons dire ne seront que des paroles d'hommes, ça ne sera que des raisonnements humains, alors que nous avons besoin vraiment de l'assistance du Saint-Esprit, de la présence vraiment du Seigneur, pour que dans nos bouches, en fait, ce soit sa parole, hein, dans ma bouche, que ça soit la parole même du Seigneur et non la parole d'un homme. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, je veux bénir ton saint nom encore pour ces moments de partage de ta parole que tu nous donnes, Seigneur. Oui, Seigneur, je te prie de prendre le contrôle de toutes choses maintenant, Seigneur Jésus, et que tu nous éclaires, Seigneur Père, par ta parole. Seigneur, tu vois la profondeur du sujet que nous voulons partager ensemble. Notre intelligence, Seigneur Dieu, est incapable, Seigneur, de pouvoir sonder les profondeurs de ce sujet. Père, nous avons tant besoin de ton Esprit Saint pour nous éclairer, parce que tu as dit que tu nous enverrais l'Esprit et que l'Esprit nous révélerait et nous enseignerait toutes choses, Seigneur Père. Voilà pourquoi nous comptons, Seigneur, sur le ministère du Saint-Esprit pour maintenant nous conduire dans toute la vérité de ta parole, Seigneur. Conduis-nous au nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Amen. Donc, Amen. comme je l'ai dit, en fait, en préambule, hein, jusqu'ici, le Seigneur ne m'avait pas donné l'autorisation de pouvoir enseigner sur ce sujet-là. Donc, je crois il y a un écho peut-être de ton côté. Donc, bon, voilà, Allô? Parce que je m'entends en fait hein, de ton côté. Oui, j'avais parce que j'avais mis le haut-parleur en fait. Là, c'est bon? Oui, je pense que c'est bon. Voilà, donc D'accord. j'étais en fait en train de dire que le Seigneur ne m'avait pas encore donné l'autorisation de pouvoir enseigner sur ce sujet qui est un sujet assez délicat hein, parce que c'est un sujet vraiment profond et central par rapport à la foi chrétienne quoi. C'est vraiment un sujet central pour la foi chrétienne. Donc un sujet très sérieux qui apporte beaucoup de polémiques, beaucoup de divisions, ainsi de suite. Donc il faut vraiment être conduit par l'Esprit de Dieu et avoir toute la modestie qu'il faut pour pouvoir enseigner sur ce sujet-là. En tout cas, donner sa compréhension des Écritures par rapport à ce sujet. Voilà, donc en préambule comme ça, J'aimerais préciser en fait que la question sur l'identité de Jésus est une question assez difficile, hein, qu'on retrouve même dans d'autres religions, en tout cas dans d'autres fois, comme par exemple la foi musulmane. On sait qu'il y a un Issa qui est censé être Jésus, mais nous voyons que ce Issa là en fait qui se retrouve dans le Coran n'est qu'un prophète, alors que pour nous, nous avons une autre compréhension en fait de la personne de Jésus. Si on va discuter avec les témoins de Jéhovah, j'ai déjà eu l'occasion de parler de Jésus avec les témoins de Jéhovah, et puis on voit qu'ils vont dans tous les sens, en tout cas ils vont dans un sens qui n'est pas celui de la compréhension que nous avons de la parole de Dieu. J'ai eu l'occasion lors de l'évangélisation, lors d'une sortie d'évangélisation dans la rue, de rencontrer une famille juive, hein. Donc quand on a parlé de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, hein, on a partagé dessus, mais dès que j'ai amené le sujet de Jésus-Christ, ils ont dit bon voilà, Jésus c'est un imposteur, bon ils ont dit plein de choses, et puis ils sont partis, ils ont dit non, nous on va prier à la synagogue. Donc voilà, donc vous pouvez parler avec les gens des religions. Vous pouvez leur parler de Dieu, il n'y a pas de problème, vous allez vous entendre, mais dès qu'on va apporter la question de Jésus, tout de suite, c'est là où les problèmes vont commencer. Et même dans les milieux chrétiens, hein, au milieu des enfants de Dieu, bon, on prie tous Jésus, et ainsi de suite, mais quand on commence vraiment à descendre en profondeur dans l'identité, la question de Jésus, on voit tout de suite que les divisions apparaissent. Bon, ça, ce n'est pas étonnant, hein, parce que la parole de Dieu parle de cela. Pourtant, effectivement, en fléchissant le genou dans la prière et en demandant au Seigneur de nous révéler véritablement qui est Jésus, je pense que le Seigneur ne peut que répondre à notre prière. Donc, nous allons introduire Maria en prenant Éphésiens 3, verset 4. Donc, pour véritablement comprendre que le sujet que nous sommes en train d'étudier est un sujet qui contient un mystère en fait, hein. Éphésiens 3 verset 4, je suis en train de lire la parole de Dieu. Oui, tu es en train de chercher le passage, d'accord. Oui. Éphésiens 3 verset 4. Voilà. Voilà, Éphésiens 3 verset 4. Ok, donc je lis la parole de Dieu. Hein. Oui, je t'écoute, frère. Voilà, donc en les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc c'est Paul qui est en train de parler, et quand il parle de Christ, il dit que Christ est un mystère. Donc on comprend que, justement, il y a besoin de démystifier en fait Christ. Et on ne peut pas démystifier Christ avec notre intelligence. On a besoin du secours du Saint-Esprit. On a besoin que Dieu nous apporte son concours pour que nous puissions véritablement comprendre qui est Christ. Mais là, ce verset-ci nous dit clairement que Christ est un mystère en fait. D'accord ? Voilà, donc Christ, c'est un mystère. Donc, et ça, nous devons aborder justement la question de Jésus-Christ avec beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité. Donc, prenons maintenant un second passage. Colossiens 4, donc quelques pages plus loin. Colossiens 4, verset 3. Colossiens 4, verset 3, tu trouves? Oui, comment que tu me donnes, parce que tu peux comment, mais en même temps j'écris. D'accord, Colossiens 4, verset 3. Priez, oui. Voilà, priez également pour nous que Dieu ouvre une porte à notre parole afin que je puisse annoncer le mystère du Christ par lequel je suis dans les chaînes. le mystère du Christ par lequel je suis dans les chaînes. Et en parler clairement comme je le dois. Donc, Christ est un mystère. Donc là, on a deux versets qui nous montrent que Christ est un mystère. Donc, et quand le fait que Christ soit un mystère, on comprend déjà qu'on ne peut pas aborder la question relative justement à l'identité de Christ de façon de façon intellectuelle, de façon humaine. De façon humaine, on n'arrivera jamais à comprendre la personne de Christ. Donc, évoluons maintenant. Allons dans Matthieu 16. Matthieu 16. Oui, Matthieu 16, verset 18. Alors, Matthieu 16. Cette fois-ci, c'est moi qui suis en retard. Alors, Matthieu. Alors, Matthieu 16, verset 18. Donc, c'est Jésus qui, pour rappeler juste le contexte, on peut commencer au verset 16. Verset 13 même. Matthieu 16, à partir du verset 13, pour bien comprendre le contexte. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Donc on voit déjà que même du temps de Jésus, quand Jésus était physiquement manifesté au milieu du peuple d'Israël, il y avait des questions déjà à son sujet, sur son identité. Les gens se demandaient qui il est véritablement. Donc c'est pas une question qui date d'aujourd'hui, même de l'époque de Jésus, les gens se demandaient qui il est. Donc alors, verset 15 maintenant, Matthieu 16, verset 15, mais vous leur dit-il. Donc c'est Jésus qui parle maintenant à ses disciples. Vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Donc il demande maintenant aux disciples, et vous là, qu'est-ce que vous dites à propos de moi? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans le ciel. Donc on voit déjà ici que la compréhension que Pierre a de Jésus, à savoir que Jésus est le Fils du Dieu vivant, Jésus lui dit que ce que tu viens de prononcer comme parole là, ça ne peut pas venir de toi-même. Ça ne peut pas venir de ton intelligence. Ce n'est que le Père dans le ciel qui peut te révéler ce que tu viens de dire là. Donc ça vient encore nous conforter dans ce que nous avons dit en préambule, à savoir que Christ c'est un mystère et seul Dieu peut révéler véritablement l'identité de Christ à quelqu'un. Donc il lui dit bien que c'est le Père qui est dans le ciel qui le lui a révélé. Et on voit d'ailleurs que par la suite, Jésus dit, et moi je te dis, tu es Pierre, c'est-à-dire Pétros, hein, donc le nom Pierre. Et sur cette pierre, mais cette fois-là, là, je donne les termes grecs, hein, c'est et sur cette pétra, c'est-à-dire et sur ce rocher-là. Quel rocher? Pas Pierre, mais à savoir la révélation que tu viens d'avoir, à savoir que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur cette révélation-là, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Donc on voit déjà que le mystère même de Christ, la personne même de Christ, la révélation de la personne de Christ est véritablement le rocher sur lequel repose justement l'Église, sur lequel l'Église même est bâtie. D'où justement nous devons demander au Seigneur véritablement dans la prière avec beaucoup d'humilité, demander au Seigneur de nous révéler justement qui est Christ. Donc ça c'est la première chose. Bon. Et encore sur ce passage, j'ai une question. Oui. J'ai une question au niveau donc du verset 17 d'Oscar, parce que effectivement, lui et le Père ne sont qu'une seule même personne. Mais pourquoi est-ce qu'il dit dans le verset 17 que c'est, comment dire, que là où il dit Jésus reprit la parole et dit tu es heureux Simon fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Oui, en fait, si je commence à t'expliquer maintenant ce passage-ci, en fait, il faut que tu me laisses aller jusqu'au bout de l'enseignement, et maintenant, tu vas comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Parce que si je commence à répondre, il y a plein de choses, en fait, parce que quand ça se passe comme ça, justement, les gens se disent, mais comment Jésus est là sur la terre et c'est le Père qui révèle et on dit qu'ils sont une même personne, et ainsi de suite. Ça apporte beaucoup de... Voilà, ça apporte... Bon, c'est pour ça que c'est un mystère. Si c'était aussi simple à comprendre comme ça, bon, on n'appellerait pas ça un mystère. C'est vraiment un mystère et en fait que le Seigneur révèle au fur et à mesure. Donc c'est pour cela, donc si tu peux, note la question et après quand j'aurai déroulé l'enseignement complètement, on va revenir point par point sur ces questions-là. Parce que je pense que au fur et à mesure que on va avancer dans l'enseignement, tu vas voir des zones d'ombre vont commencer à s'éclairer. En tout cas, je compte sur le Saint-Esprit pour nous y conduire. Alors, déjà avant d'entrer véritablement dans le vif, là on a simplement dit que Christ est un mystère et que c'est Dieu seul qui peut révéler la personne de Christ. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la foi chrétienne hein, est monothéiste. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu et le seul Dieu auquel nous croyons, en fait, a choisi souverainement de se révéler aux hommes de trois façons différentes selon ce qu'on appelle les dispensations. Dans les dispensations, en fait, hein, pour faire simple, ce sont des périodes, des périodes de temps au cours desquelles Dieu a une alliance, en fait, avec les hommes, quoi. Voilà. Donc, par exemple, Dieu a eu une alliance avec Adam. Donc, il avait une manière de fonctionner, si je peux m'exprimer comme ça, avec Adam. Et après, ensuite, il y a eu une alliance avec Noé. Dieu a eu une manière de travailler avec Noé. Après, il y a eu Abraham. Après Abraham, il y a eu Moïse, justement, à qui Dieu a donné les tables de la loi, les 10 commandements, et plus tout l'ensemble, ça faisait 613 commandements. Après, justement, Jésus s'est manifesté. Donc, Dieu s'est manifesté dans les premières générations en tant que Père. Il s'est montré en tant que Père, et ensuite, il s'est manifesté, il s'est incarné dans une chair humaine en la personne de Jésus qui est venu vivre au milieu des hommes. Et ensuite, Jésus est retourné. Maintenant, Dieu s'est manifesté ensuite et se manifeste encore aujourd'hui aux êtres humains au travers du Saint-Esprit. Mais c'est toujours le même Dieu, le seul et même et unique Dieu qui a choisi délibérément de se manifester de ces façons-là, selon les dispensations dans lesquelles on se trouve. Donc ça déjà, c'est pour introduire en préambule. Donc, ce qu'il faut, je vais juste le mentionner comme ça au passage, hein. Il y a un concept dont tu as certainement entendu parler, c'est de la Trinité. Bon, oui, voilà, ok. Donc, la Trinité, déjà, c'est un mot qui n'existe pas dans la Bible, hein. Donc, c'est pas quelque chose qui vient de la Bible, c'est un certain monsieur qui s'appelle Tertullien, qui a parlé de la Trinité, qui a prononcé ce mot pour la première fois au deuxième siècle. Et donc, il parle de un Dieu qui se manifeste en trois personnes, à savoir Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Bon. Ça, on comprend bien que ça, c'est pas dans la parole de Dieu, et c'est pas cela que nous devons retenir. Ce que nous devons retenir, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a été inspirée par le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui éclaire, justement, ce qui est dans la parole de Dieu. Parce que si on prend quelque chose en dehors de la parole de Dieu, à ce moment-là, le Saint-Esprit ne peut pas venir éclairer ça, parce que c'est pas lui forcément qui a inspiré cela. Bon, maintenant... Donc en fait, frère, excuse-moi, donc en fait, si je comprends bien, frère, les catholiques, eux, pour eux, il y a trois pas Dieu, quoi. Oui, ben oui, c'est ça. C'est tout est un Dieu. Exactement, exactement, exactement, exactement. Ah ouais. C'est un concept qui ne vient pas de la parole de Dieu. Hein. C'est pour ça que justement le baptême catholique au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit tel que c'est là, on ne peut pas l'accepter parce que ça ne correspond pas vraiment au Dieu unique de la parole de Dieu. Voilà. Donc avançons maintenant. Nous allons entrer concrètement dans le vif en prenant Ésaïe 9 au verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Nous savons que le prophète Ésaïe a beaucoup, beaucoup éclairé, annoncé la venue de Jésus. Donc, en lisant bien au travers du livre d'Ésaïe, on commence à bien comprendre, en fait, hein, alors, Ésaïe 9, verset 5, il est dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. » Donc, on comprend clairement que Ésaïe est en train d'annoncer la venue du Messie. Il parle de la venue de Jésus, ici. Alors, si on lit le contexte, on le comprend aisément. Alors, maintenant, de quoi parle-t-il par la suite? Il dit, on l'appellera, donc cet enfant-là qui va naître, comment est-ce que nous allons l'appeler? Admirable, conseiller, Dieu puissant. Il dit que cet enfant qui va naître là, on va l'appeler Dieu puissant. Ça déjà, c'est quelque chose qu'il faut souligner. On va l'appeler Dieu puissant. Ensuite, on va l'appeler Père éternel. Prince de paix. Donc, est-ce qu'il y a deux personnes qu'on peut appeler Dieu? Est-ce qu'il y a deux personnes qu'on peut appeler Père? Non. Je m'en vais maintenant pour voir les 10 commandements dans Exode 20. Oui, allons dans Exode 20. Alors, Exode 20, alors je prends à partir du verset 1, alors Exode 20 verset 1, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Point. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je reviens dans Ésaïe 9, et au verset 5. On l'appellera Dieu puissant. Et Dieu dit là-bas que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, si ici là Jésus est différent de Dieu, ça veut dire qu'il y a deux dieux. Je crois que ma sœur, tu comprends bien ça. Puisque il dit bien dans Exode 20 au verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc si on doit appeler cet enfant-là Dieu puissant, ça veut dire tout simplement que c'est le seul et même unique Dieu que nous connaissons qui s'est incarné dans une chair humaine, c'est tout. Parce que si on veut le dissocier, ça veut dire qu'il y a deux dieux. Il y a le Dieu qui est le Père et il y a un autre Dieu qui vient s'incarner dans cet enfant-là. Tu vois, donc parce que on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Il y a un seul Père, il n'y a pas deux Pères. On appellera cet enfant-là Père éternel. Donc c'est clairement écrit ici, noir sur blanc. Sinon, il faut enlever ce verset-ci de la parole de Dieu. Voilà. Donc ça, déjà, ça nous montre déjà, ça nous annonce déjà en fait, l'identité de Jésus-Christ, hein, ça nous dit déjà qu'il est Père éternel, il est Dieu puissant, c'est écrit noir sur blanc. Prenons maintenant Ésaïe 43, verset 11. Ésaïe 43. Toujours Ésaïe, il a une révélation assez profonde, justement, de Jésus-Christ. Alors, Ésaïe 43, verset 11. C'est bon? Oui. Alors, Ésaïe 40. Voilà. Voilà, ok. Ésaïe 43, verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel. En dehors de moi, il n'y a point de sauveur. Amen. Amen. Voilà, il dit c'est moi. Une première fois, il souligne encore moi qui suis l'Éternel. Pour, tu vois, dans un même verset, il y a deux moi là-dedans. Pour dire qu'il n'y a pas un autre moi, en fait, pour parler terre à terre. Il ne peut pas avoir un autre moi. Il n'y a que moi, je suis seul, en fait. Donc, il y a une redondance de moi comme ça qui se suit pour dire qu'en fait, il est unique, il n'y en a pas d'autre. Il dit... Moi qui suis l'Éternel. Donc il y a un seul Éternel et il dit en dehors de moi, voilà encore un troisième moi, il n'y a point de sauveur. Donc si on trouve un sauveur quelque part qui est le vrai sauveur, il est forcément l'Éternel parce qu'il n'y en a pas un autre. Amen. Amen. Voilà. Donc prenons maintenant Osée 13, verset 4. Pour confirmer ce que nous sommes en train de dire là. Osée 13, verset 4, Habacuc, Miché, Joël. Voilà. Osée 13, verset 4. Nous y sommes. Oui, mais tu peux commencer à lire comment que j'écris. D'accord. Osée 13, verset 4. Et moi, il vient encore avec le moi là, pour dire que je suis unique. Je suis le seul, je suis l'unique. Il dit, et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Ça renvoie à Exode 20, verset 3, qu'on a vu tout à l'heure. Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, il rappelle ça encore ici. Et moi, Osée 13, verset 4. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais pas d'autre Dieu que moi. Donc là, il rappelle presque littéralement le premier commandement. Et il dit, et il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Amen. Donc, il rappelle encore ce que nous avons vu tout à l'heure dans Ésaïe 43, verset 11, à savoir qu'il y a un seul sauveur, et ce sauveur-là, c'est Dieu, et c'est l'Éternel, dans le même verset, il le dit. Donc, si on trouve un sauveur quelque part, et qu'il est le vrai sauveur, il doit forcément être Dieu et être l'Éternel, à savoir le Père éternel, le seul éternel qui existe, c'est le Père. Donc, déjà, ça nous pose une première question. Si Jésus n'est pas le Père, s'il n'est pas éternel, s'il n'est pas Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas sauveur non plus. Parce qu'on dit ici là qu'il y a un seul sauveur et ce sauveur là c'est l'Éternel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous qui croyons, nous avons mis notre foi en Jésus, nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Si Jésus n'est donc pas Dieu, ça veut dire que nous n'avons pas de Sauveur. Ça veut dire que le Sauveur que nous avons n'est pas le vrai Sauveur. C'est pour ça que je l'ai dit une fois et ça a choqué un peu les gens, que si nous ne croyons pas que Jésus est Dieu, ça veut dire que nous ne sommes pas sauvés. Et ce sont ces versets-ci qui nous les montrent. Parce qu'il y a un seul sauveur, il n'y en a pas deux. Il y a un seul sauveur et ce sauveur-là est forcément l'Éternel Dieu. Voilà. Donc si Jésus... qui est notre sauveur, n'est pas éternel, n'est pas Dieu, ça veut dire que nous n'avons pas le bon sauveur. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sauvés. C'est ce que ça veut dire. Donc, tu vois pourquoi la question, justement, de l'identité de Jésus est capitale pour la foi chrétienne. C'est vraiment fondamental. C'est vraiment fondamental. Si on se loupe là-dedans, ça veut dire que nous reposons notre foi sur un fondement qui n'est pas le bon. Il y a un seul sauveur, et ce sauveur-là, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Et il y a un Dieu unique, tel qu'il nous l'a dit dans Exode 20, au verset 3. Prenons maintenant Luc 2, verset 11. Nous passons dans le Nouveau Testament, Luc 2, verset 11. C'est assez simple, mais en fait, comme les gens discutent beaucoup en se tapant les versets sans prendre le temps d'écouter, sans prendre le temps de mesurer, d'examiner ce qu'on est en train de dire, ça amène beaucoup d'incompréhension. Parce que chacun veut rester dans sa position, tape les versets bibliques. Mais quand on commence à les examiner comme ça, un à un, tout doucement, dans la prière, on comprend que si on ne considère pas Jésus comme Dieu, si on ne le considère pas comme Père éternel, ça veut dire qu'on est en train de, nous avons mis notre foi dans un sauveur qui n'est pas le sauveur de la parole de Dieu. Alors, prenons maintenant Luc 2, verset 11. Alors, Luc 2, verset 11 nous dit: aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur. Tu vois, il utilise même, la même expression que Ésaïe 9 là. Un enfant nous est né. Donc, il dit, il nous est né un sauveur. Amen. Il nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Il nous est né un sauveur. Si la Bible dit que un sauveur est né et que Ésaïe nous a dit là-bas, Osée aussi a confirmé qu'il y a un seul sauveur, ça veut dire que c'est ce sauveur-là. C'est tout, il n'y en a pas d'autre. Et Ésaïe, Osée nous ont dit que ce sauveur-là est le Dieu puissant, le Père éternel, l'Éternel, déjà. Et ici, on nous dit que le Christ est le sauveur, dans Luc 2 au verset 11. Donc, on comprend que c'est le sauveur dont a parlé Osée et Ésaïe. Christ n'est pas ce sauveur-là dont a parlé Osée et Ésaïe, ça veut dire que Christ n'est pas le sauveur, tout simplement, parce qu'il ne peut pas sauver. Voilà. Bon, ça, je me répète un peu juste pour vraiment... N'est-ce pas? Je sais que il faut beaucoup insister. Prenons maintenant Jean 4, verset 42. Jean 4, verset 42. Donc, ça, c'est la femme samaritaine, justement, qui avait rencontré Jésus. Et elle a su que Jésus était le Christ et elle est partie en ville pour appeler les gens de sa ville pour leur dire qu'elle avait rencontré le Messie. Et ces gens-là sont venus, ils ont écouté Jésus. Donc ça, c'est juste pour brosser le contexte là. Et donc au verset 42, Jean 4, verset 42, et il disait à la femme, ça ce sont les gens de la ville de la Samaritaine, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui. » Qu'est-ce que tu lis? C'est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Voilà. Tu as vu? Il n'a pas dit c'est un Sauveur. Il dit c'est le Sauveur. Pourquoi il dit c'est le Sauveur? Parce qu'il n'y en a qu'un seul. Et ce Sauveur-là correspond, je reviens encore dessus, au Sauveur que... Ésaïe 43, verset 11 parle, et au sauveur, le même sauveur dont parle Osée 13 au verset 4, à savoir l'Éternel Dieu. Voilà. Voilà. Donc, c'est là, il n'y a même pas d'ambiguïté possible là-dessus. Oui, exactement. Donc, là même déjà, nous avons déjà, avec les Écritures, montré que Jésus ne peut être que Dieu le Père. Il ne peut être que l'Éternel. C'est tout. Déjà avec ces versets-là. Mais on va aller encore plus en profondeur dans la parole de Dieu et on va même prendre quelques versets qui peuvent sembler contradictoires. Prenons maintenant Ésaïe 7 au verset 14. On retourne dans l'Ancien Testament. Parce que justement, il faut pouvoir voir les prophéties de l'Ancien Testament, voir la réalisation dans la vie de Jésus pour comprendre que tout cela est cohérent. Sinon, on ne va pas comprendre. Si tu prends seulement le Nouveau Testament et tu cherches à comprendre Jésus, il y a des choses qui vont te, des révélations qui vont te manquer parce que les prophètes avaient. Donc les prophètes l'avaient annoncé déjà. Alors donc là nous sommes dans Ésaïe 7 verset 14. Ésaïe 7 verset 14 nous dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte. On parle de Marie ici. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc ça, c'était la prophétie d'Ésaïe. On va voir l'accomplissement maintenant dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 1 au verset 23. Matthieu 1, verset 23. On voit effectivement que la Bible, c'est la vérité, hein, parce que Ésaïe a prophétisé longtemps avant et l'accomplissement arrive bien des siècles plus tard. Alors, je lis Matthieu 1, verset 23. Voici, donc je vais même lire à partir du verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, dans le prophète Ésaïe, verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Qu'est-ce que ça veut dire Emmanuel? Ce qui se traduit, Dieu avec nous. Voilà Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Ça veut dire que Jésus, c'est Dieu au milieu des hommes, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi on va se compliquer la vie. C'est écrit noir sur blanc. Dieu avec nous. Cet enfant-là, c'est Dieu avec nous. C'est Dieu qui est venu au milieu des hommes, tout simplement. C'est pas compliqué, hein. Dieu au milieu de nous. Voilà. Donc, prenons maintenant encore de façon plus littérale. Pas loin du livre de l'Apocalypse, 1 Jean 5 au verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Donc on remonte à partir du livre de l'Apocalypse. Après tu vas avoir Jude et après Jude tu as les épîtres de Jean. Donc 1 Jean 5, verset 20. Dans 1 Jean 5, verset 20. Oui, tu peux commencer à lire, frère. Ok. 1 Jean 5, hein? Oui, oui. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Point. Qui est ce Jésus-Christ là? Je lis la suite du verset. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Point. C'est écrit littéralement. C'est Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Si je reviens dans Exode 20 au verset 3, il nous est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dont le Père est le seul Dieu qui existe, et ici on nous dit Jésus-Christ est, c'est lui le Dieu véritable. Donc il y a même pas à se compliquer la vie. Voilà, on a un verset où c'est littéralement écrit, c'est lui le Dieu véritable. Prenons maintenant Jean 20 au verset 28. Oui, oui, Jean 20 verset 28. Donc, pour juste rebrosser le contexte, c'est après la résurrection de Jésus, il était apparu à ses disciples, mais Thomas n'était pas avec eux. Donc, et Thomas avait dit, s'il ne voit pas, il ne peut pas croire. Et donc, Jésus est revenu se présenter à nouveau. Et donc là, nous avons Jean 20, verset 28. Jean 20, verset 28. Alors, donc, Thomas lui dit, je vais lire à partir du verset 26 pour qu'on comprenne juste le contexte. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Puis, il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Verset 28 qui nous intéresse. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Il n'a pas transigé là. Il a dit mon Seigneur et mon Dieu. Nous savons que Thomas c'est un juif. C'est un juif qui appliquait les 10 commandements. Il savait que c'est écrit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça et ça, il observait ça. Et il ose dire à Jésus mon Dieu. Donc quand il dit à Jésus mon Dieu, en fait il fait référence au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas d'autre Dieu. Selon le commandement, le premier commandement de Exode 20, verset 3. Voilà, donc ça c'est littéralement écrit. Si nous prenons maintenant le psaume 45, du verset 6 au verset 7, c'est le... Voilà, verset 6 à verset 7. On le retrouve également dans Hébreu 1, du verset 9. Du verset 8 au verset 9, autant pour moi. C'est la même chose, c'est le même verset. Hébreu 1, du verset 8 au verset 9, c'est la même chose que le psaume 45, de 6 à 7. Parce que nous savons que dans le Nouveau... Hébreu 1, c'est 8 à 9. Voilà, exactement. Hébreu 1, 8 à 9, psaume 45, 6 à 7. Donc, c'est la même chose. Alors, psaume 45. Alors, psaume 45, verset 6 à 7. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles pénétreront dans le cœur des ennemis du roi. Alors, verset 7 qui nous intéresse. Ton trône, en fait ici il parle au Messie. Ton trône, ô Dieu, voilà comment il appelle Jésus, le Messie. Ton trône, ô Dieu, subsiste à toujours et à perpétuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre de doiture. Donc, il appelle le Messie, ô Dieu. Donc, si on lit le contexte, on ne va pas rentrer dans les détails. On comprend que là, il parle du Messie. Et après, il dit, verset 8, allons même plus loin, verset 8. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, donc c'est comme ça qu'il appelle le Messie, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Tu vois, il dit, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est ça qui embrouille les gens, en fait, quoi. Parce que ils essayent de projeter ça dans la logique humaine. Ils essayent de projeter ça dans les relations humaines. Comment est-ce que quelqu'un peut se parler à lui-même, tout ça, et ça rend fou. Les gens ne comprennent pas. C'est une question de révélation, en fait, ici. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes compagnons. Donc, nous voyons ici, il a été oint d'une huile de joie et nous savons que Christ... Le terme Christ signifie oint. Christ, ça veut dire oint. Donc, en fait, ici, il parle du Christ, oint. Et il appelle ô Dieu. Donc, voilà, déjà, dans ce passage où Christ est appelé clairement Dieu. Prenons maintenant Romains 9 au verset 5. Je vais lire ça dans... La Bible de Martin, parce que la traduction est vraiment très, très, très bien faite. Romains 9, verset 5. Oui. Romains 9, verset 5 nous dit, desquels sont les pères et desquels, selon la chair, est descendu Christ. Qui est Dieu sur toute chose, béni éternellement. Amen. Il dit, selon la chair, il dit, desquels sont les pères et desquels, selon la chair, est descendu Christ, virgule. Qui est Dieu? Ça, c'est écrit littéralement. Qui est Dieu sur toute chose? Béni éternellement. Amen. Nous savons qu'il n'y a pas d'autre Dieu. C'est bizarre, frère. Moi, j'ai pas cette version. C'est pour ça que j'ai pris la traduction de Martin. Parce que dans d'autres, j'ai aussi la traduction Louis II. C'est pas comme ça que c'est écrit. Dans la traduction Louis II. Oui, c'est pas bien traduit comme il faut. Bon, je vais lire peut-être la traduction Louis II aussi. Romains 9, verset 5, il dit, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toute chose, bénit Dieu éternellement. Tu vois, bon, dans cette traduction-là, souvent dans les traductions, il y a des nuances comme ça qui peuvent perdre des gens. C'est pour ça que je compare souvent. Moi, j'ai un logiciel sur lequel j'ai près de 14 versions différentes de la Bible. Donc, des fois, je compare et des fois, je retourne même dans le texte grec pour comprendre vraiment l'expression d'origine. En fait, ça permet de garder la traduction. Parce que des fois, quand on traduit, on retraduit sur des traductions et tout ça, les traducteurs, ils ne font pas attention, mais il y a des passages comme ça qui peuvent complètement changer le sens de ce qu'on veut dire. De ce que la Bible voulait dire. Et eux, ils peuvent négliger ça alors que ce sont des points capitaux très, très importants. Alors, prenons maintenant Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, à partir du verset 19. Alors, Matthieu 28, verset 19 nous dit, allez, faites de toutes les nations, c'est Jésus qui parle, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qui est très impressionnant, c'est que normalement, si le Père est dissocié du Fils et du Saint-Esprit, ça voudrait dire qu'il devrait avoir plusieurs noms. Le nom là, ça devrait être au pluriel. Mais nous voyons que le nom est au singulier. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom, non au singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que tout ce qu'il nomme la Père, Fils et Saint-Esprit, c'est une seule et même, ça s'adresse à une seule, ça parle d'un seul et même Dieu. On ne parle pas de plusieurs dieux, on parle d'une seule et même entité qui est Dieu, en fait. Et ça, ça nous amène à comprendre que Père, Fils et Saint-Esprit sont simplement les fonctions ou les attributs du même et seul Dieu. C'est comme moi, Alain Patrick, je suis en même temps enfant de Dieu et je suis informaticien. Mais c'est toujours moi, Alain Patrick. Donc au travail, je suis informaticien et là maintenant, je suis enfant de Dieu avec toi, je suis ton frère et tu es ma sœur. Comme tu es étudiante et en même temps tu es ma sœur en Christ. C'est aussi simple que ça. Hein? Donc, mais tu restes Maria. À l'école, on t'appelle Maria, ma camarade de classe. Et moi, je t'appelle Maria, ma sœur. Tu vois? Donc, et là, je vais dire Maria, sœur en Christ, étudiante en, je ne sais pas en quelle filière tu es, étudiante en comptabilité. Je prends un exemple comme ça, voilà. Maria, sœur en Christ, étudiante en comptabilité, tout simplement. Mais on ne va pas, si on avait remplacé Maria par nom, on ne va pas mettre nom au pluriel, puisqu'on parle d'une seule et même personne qui serait toi. c'est pas compliqué, hein, mais c'est pas très compliqué, mais il faut y aller doucement et ne pas venir avec des a priori et ainsi de suite. Il faut descendre doucement dans la révélation de Dieu, et puis on va voir, et même les passages qui semblent contradictoires, après, une fois qu'on a compris toute cette révélation, comme par exemple, tu me disais, c'est le Père qui est dans le ciel. Bon, maintenant, je peux t'expliquer la question que tu avais, puisque là, maintenant, on est descendu jusque-là. Quand Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, il lui dit plutôt, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans le ciel. En fait, Jésus qui est devant Pierre, il a simplement l'attribution du Fils. D'accord? C'est comme si, on ne peut pas expliquer ça avec notre langage humain, mais je vais essayer, mais en fait, ça ne sera pas compréhensible, je sais déjà, mais je vais essayer quand même. C'est comme si c'est l'étudiante Maria qui parle de la même étudiante, c'est comme si c'est Maria l'étudiante qui parle de Maria la sœur en Christ. Tu vois, mais en fait, vous avez deux fonctions différentes. En tant que sœur en Christ, tu fais certaines choses, et en tant que étudiante en comptabilité, tu fais d'autres choses. Mais seulement, la différence avec nous, c'est que nous en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas faire les deux en même temps. Mais Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent, il peut se multiplier, il peut faire les deux en même temps. Puisque nous disons que rien n'est impossible à Dieu et que Dieu peut tout faire. Si nous disons que Dieu ne peut pas faire ça, ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Alors que nous disons bien, c'est un verset dans la parole de Dieu, que rien n'est impossible à Dieu. Donc Dieu est tout à fait capable d'être manifesté dans le Fils, il est présent ici et en même temps, le Père est dans le ciel. Et ça trouble beaucoup de personnes. Parce que les gens pensent que si Jésus est Dieu, ça veut dire que s'il est descendu sur la terre, il a laissé son trône vide dans le ciel. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui serait très étonnant, parce que le Père ne peut pas laisser le trône vide dans le ciel. En fait, c'est parce que Dieu est omniprésent. Dieu est omnipotent. Dieu est omniscient. Dieu peut être à la fois dans le ciel et sur la terre en même temps. Rien n'est impossible à Dieu. Hein. Dieu, il n'est pas comme nous. Moi, je ne peux être qu'ici. Encore même que je suis ici assis en train de partager la parole de Dieu avec toi. En même temps, le Seigneur me dit que je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Déjà. Tu vois, déjà il y a ce mystère là. Pour moi c'est un mystère. Dieu seul sait nous éclairer là-dessus. Mais il me dit que je suis en même temps là-bas. Ben, le Père qui est lui est Dieu. Il est beaucoup plus que nous. Il est à la fois ici sur la terre et dans le ciel en même temps. Et ça ne devrait pas nous déranger. Sauf si nous prenons Dieu pour un homme. Dieu n'est pas un homme. C'est écrit bien dans Nombre 23, verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Donc, il n'est pas comme nous. Il peut s'incarner à la fois ici sur la terre et être dans le ciel en même temps. Voilà pourquoi Jésus sur la croix peut dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça ne doit pas nous étonner. C'est un mystère parce que Dieu est Dieu, tout simplement, et il peut faire ça en même temps. Donc, et c'est parce que justement, nous on le considère de façon humaine, on se dit mais comment moi je peux être ici et être là-bas en même temps. En fait, c'est que il est dans deux fonctions différentes et les deux fonctions peuvent communiquer entre elles en même temps. Et c'est ça qui est tout le mystère. C'est ça qui embête les gens. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et il faut une révélation vraiment de Dieu pour comprendre que Dieu lui il est capable de faire cela. Il est un seul Dieu, mais il est dans deux fonctions différentes. Et ces deux fonctions-là ont des attributions et ont une fonction différente. Voilà pourquoi, quand on regarde par exemple dans des versets, on va dire « révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné ». Par exemple, là je cite Apocalypse 1:1. Les gens disent que « mais alors, ça veut dire qu'il y a Dieu et il y a Jésus ». C'est juste que la parole de Dieu veut que nous gardions les deux fonctions de Jésus, pour montrer comment elles communiquent entre elles. Ces deux fonctions, il peut tout à fait être dans ces deux fonctions en même temps et communiquer ensemble. Et ça, ça ne doit pas nous surprendre du tout, du tout. Nous, on dit, ah, ça doit être deux personnes. Parce que pour nous, on n'arrive pas à comprendre ça. Et c'est ça, justement, qui est la clé du mystère de Christ et la révélation même, justement, de la personne de Jésus. C'est lorsque Dieu brise ce glaçon-là qui nous empêche de comprendre que Dieu est capable de faire ces choses-là. Voilà. Donc, En fait, si je comprends bien, en fait, Jésus, c'est une sorte de personnage que le Père lui-même s'est créé. Non. Dans le monde et c'est je comprends bien, donc c'est ça, en fait. En fait, non, Jésus n'est pas une espèce de personnage. En fait, Jésus est l'incarnation humaine de Dieu. Parce que, en fait, Dieu, par exemple, quand tu regardes, je crois, c'est dans Exode 3, il me semble. Ah non, attends. Dieu, attends, j'avais noté le passage. Voilà, c'est dans Exode 3 où Dieu est apparu à Moïse dans le buisson ardent. D'accord? Dieu est apparu à Moïse dans le buisson ardent. Dans Exode 20, là-bas, là où il donne les 10 commandements, on voit Dieu se manifester en fait sur le mont Horeb là-bas. Comme comme une fumée, ainsi de suite. Donc Dieu est capable de s'incarner comme il veut. Et donc en fait, Jésus est l'incarnation humaine de Dieu en fait. C'est pour ça que son nom est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Donc Dieu est venu s'incarner dans la chair d'un être humain et il est venu vivre au milieu des hommes. Mais il est en même temps là présent au milieu des hommes, mais en même temps Dieu assis sur son trône là-bas, sans aucun problème. Parce que là où certaines de mes amies aussi ne comprenaient pas, c'est par exemple aujourd'hui j'ai reçu une de mes amies qui est venue, elle m'a donné le passage qu'elle ne comprenait pas trop, c'était par rapport au baptême de Jésus. Je vais arriver là-dessus. Voilà, je vais arriver là-dessus. J'ai prévu qu'on puisse en parler. Mais même déjà là, ce que je suis en train d'expliquer répond déjà à cette question-là. Hein. C'est-à-dire que Dieu peut être à la fois manifesté Père dans le ciel, Fils en train d'être baptisé et Saint-Esprit qui descend sous la forme corporelle d'une colombe. Ça, c'est pas quelque chose qui est impossible à Dieu. Hein. Dieu peut s'incarner. Bon, déjà même, je vais te donner un exemple qui est très simple. Si tu prends, après je vais le citer, on va quand même revenir dessus. Prenons Jean 14, verset 23. Tu vas voir quelque chose là-dedans. Jean 14, verset 23. C'est bon? Alors, oui. 14, 23, oui. Voilà. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Je vais revenir sur ce verset, je vais expliquer beaucoup plus en profondeur ce que ça signifie. Donc, si quelqu'un aime Jésus et qu'il garde ses commandements, il obéit à la parole de Dieu, le Père et Jésus viendront faire leur demeure en lui. En fait, il parle du Saint-Esprit qui va venir habiter dans le cœur, tout simplement. Bon, regarde que le Père, c'est écrit ici littéralement, le Père et moi nous viendrons faire notre demeure en cette personne-là. Toi Maria, tu es dans ta ville là-bas, tu obéis au commandement de Dieu. Ça veut dire que ce passage-ci s'applique à toi. Ça veut dire que le Père et le Fils sont venus habiter, faire leur demeure en toi. D'accord? Mais moi aussi ici qui suis à peut-être 150 kilomètres de toi là-bas, moi aussi j'obéis au Seigneur. Le Seigneur vient aussi, son Père et le Père et le Fils habiter dans mon cœur. D'accord? Il est à la fois dans ton cœur là-bas et à la fois chez moi ici. Il a fait sa demeure à la fois chez toi et chez moi. Et dans tous les multiples, les nombreux, les milliers et des milliers de chrétiens sur la terre qui obéissent à la parole de Dieu, ce verset est vrai aussi pour eux. Donc voilà le Père qui se manifeste à la fois il est multiplié dans toutes ces personnes-là en même temps. Ce qui n'est pas étonnant, que lors du baptême de Jésus, qu'il s'incarne à la fois en tant que Père qui parle dans le ciel, en tant que Fils qui est en train de se baptiser, et en tant que Saint-Esprit qui descend sous la forme corporelle d'une colombe. Ce n'est pas ça qui va le dépasser. C'est un mystère. En fait, oui. C'est là que les gens se disent, mais pourtant là, il y a eu trois personnes, il y a eu Jean, il y a eu le Père qui parlait, il y a eu en même temps Jésus, mais comment ça se fait qu'il parlait à Jésus en disant qu'il a toute mon approbation? C'est là en fait que les gens ils se posent des questions. Justement, parce qu'ils le prennent de façon humaine. Nous les hommes, personne ne peut se manifester trois fois comme ça, c'est pas possible. Mais là, ce verset-ci que nous venons de lire, là, Jean 14, verset 23, ça s'applique à tous les vrais chrétiens qui obéissent à la parole de Dieu. Ça nous montre déjà que Dieu est capable de se manifester, non pas seulement en toi, comme on a vu là, mais même en des milliers de fois, puisqu'il y a autant de chrétiens qui obéissent à la parole de Dieu, autant Dieu se multiplie et il est dans les cœurs partout en même temps. Tu vois, et c'est ça le mystère que les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils veulent comprendre ça en faisant une projection sur une autre façon de fonctionner, sur une autre façon humaine de fonctionner. Si je suis ici là, je ne peux pas être en même temps avec toi là-bas chez toi, c'est pas possible. Mais Dieu, lui, c'est possible. Dieu, c'est possible, c'est tout à fait possible pour lui. Et c'est d'ailleurs pour ça que la parole de Dieu nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Voilà, donc allons maintenant dans Colossiens 1, verset 15. Voilà, Colossiens 1, verset 15. Voilà, Colossiens 1, verset 15. Qui nous parle de Jésus? Colossiens 1, verset 15 nous dit, il est l'image du Dieu invisible. C'est Jésus ça. Il est l'image du Dieu invisible, le premier né de toute la création, car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, voilà ce qui nous intéresse. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Retourne maintenant dans Genèse 1. La toute première page de ta Bible, lorsqu'on commence vraiment à donner les Écritures. Genèse 1:1, il nous a dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est qui est en train de créer ici au commencement? C'est Dieu. Et on nous dit ici dans Colossiens 1 au verset 16 que tout a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire que c'est lui qui est au début dans Genèse 1:1 ici qui est en train de créer, tout simplement. Tout a été créé par Jésus. Comment? Oui, effectivement. Voilà, effectivement, c'est lui qui est là au début dans Genèse 1:1 qui est en train de créer les choses, puisqu'on nous dit ici que tout a été créé par lui et pour lui. Voilà, donc maintenant, on comprend que c'est bien Dieu le Père qui est en train de créer toutes choses là-bas au commencement, hein, dans Genèse 1:1. Donc, on comprend bien que c'est Jésus. Donc, c'est quelque chose qui est clairement compréhensible. Alors, si je prends maintenant, puisque nous sommes dans Colossiens 2, du verset 8 au verset 9. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Et par... Oui. Colossiens 2. Colossiens 2 maintenant. Donc, le chapitre juste à côté. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes. Tu comprends? C'est-à-dire que la compréhension qu'on essaye d'avoir du mystère de Christ, c'est qu'on vient avec des pensées d'hommes. On se dit, ah, Comment un homme peut être à la fois au ciel et sur la terre? Non, Jésus n'est pas, c'est pas un homme, c'est Dieu. On est en train de voir, rien n'est impossible à Dieu. Donc si nous venons aborder la question de Jésus avec nos pensées humaines, on va se buter forcément. On va entrer dans la philosophie. On va dire, ah non, c'est pas possible. Justement, on ne peut pas venir avec des pensées humaines, là. C'est ce qu'il nous dit. Avec la tradition des hommes, on ne peut pas. Selon les principes élémentaires du monde. Voilà, les principes, c'est-à-dire que dans le monde, nous savons que quelqu'un ne peut pas être ici et être, je sais pas moi, à 100 km en même temps, c'est pas possible. Ça humainement, c'est pas possible. Excuse-moi. Oui. Ouais. Excuse-moi, ça, c'est surtout que dans le monde, on se dit que le père, c'est le père, le fils, c'est le fils, quoi. Du coup, voilà. Les gens font des distinctions par rapport à ça, quoi. Exactement, exactement. Mais là, on est en train de démontrer depuis que à chaque fois qu'on parle du père, c'est le fils en même, on comprend que le fils, c'est exactement la même, ça renvoie au même Dieu, en fait, quoi. Qui s'incarne seulement et qui a plusieurs fonctions différentes. Selon ce qu'il est en train de faire. Alors, donc, et non, selon Christ. Donc, voilà. Selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Maintenant, car en lui, c'est-à-dire en Christ, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, tout ce qui est en Dieu est en Christ. Tout. Donc, il ne peut être que Dieu. Parce que Dieu n'a pas mis tout ce qu'il possède dans quelqu'un d'autre. C'est pas possède. Ce n'est que lui-même qui a tout ce qui est en Dieu. Parce que si quelqu'un a la totalité de Dieu sans être Dieu, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Tu ne peux pas. C'est parce que la différence, si Christ n'était pas Dieu, ça veut dire que il devrait avoir presque 99,99% de Dieu et un petit chouïa qui ne serait pas de Dieu, afin que ça fasse la différence entre les deux. Mais là, on nous dit qu'il a tout, tout, totalement. Donc, ça ne peut qu'être Dieu. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que Dieu. Et ça ne vient faire que renforcer tout ce que nous sommes déjà en train de lire depuis le début. Prenons maintenant Jean 1. Jean 1. Verset 1 à 3. Jean 1, verset 1 à 3. Alors, Jean 1, verset 1 à 3, je lis. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Suivons bien. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Point. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Point. Bon, je vais juste m'arrêter sur la fin du premier verset où on dit « Et la parole était Dieu ». C'est-à-dire que la parole est Dieu. Prenons maintenant le verset 14. Jean 1, verset 14. Toujours pareillement là. « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » En fait, ici, il nous dit au verset 1 que la parole était Dieu et que cette parole-là s'est incarnée dans la chair humaine. Donc, et nous savons que Jésus est la parole manifestée. Nous savons que la parole qui s'est faite chair ici, en fait, c'est Jésus. Donc, ici au premier verset, il a dit la parole était Dieu. Ça dit littéralement Jésus était Dieu en fait quoi. Jésus était Dieu pour dire que depuis le commencement il est Dieu en fait, tout simplement. Donc voilà, on comprend bien que dans le verset 14, quand il parle de la parole, il fait allusion ici à Jésus, parce que c'est la parole qui s'est incarnée dans la chair, elle s'est faite chair et elle est venue vivre parmi nous. Quand il parle parmi nous, c'est Jésus qui est descendu, qui s'est incarné au milieu des êtres humains et qui a vécu. Et cette parole-là était Dieu, donc c'est Jésus en fait qui est Dieu depuis le commencement. Et il n'y a pas d'autre Dieu. Prenons maintenant la parole qui s'est faite chair, qui est venue vivre parmi les hommes. Donc, comme on a dit, Jésus est Dieu manifesté dans la chair humaine. Et ce n'est pas, lorsque Jésus est venu sur la terre, ce n'était pas la première fois que Dieu s'incarne dans la chair humaine pour venir au milieu des hommes. On va voir que c'est quelque chose qui existe déjà depuis l'Ancien Testament. Dieu est déjà venu sous une forme humaine au milieu des hommes, avant que Jésus ne vienne. Dieu a déjà pris cette forme-là. C'est pas une nouveauté, en fait, pour Dieu. Si nous prenons Genèse 16, 1, 6. Genèse 16, du verset 7 au verset 13. Genèse 16, verset 7 à 13. Donc, je lis. L'ange de l'Éternel, Genèse 16, voilà, ok, je lis à partir du verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva, donc il s'agit de Agar ici, hein, Agar, la servante de Sarah. Donc, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, j'ai pris la fuite, loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi devant elle. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai beaucoup ta descendance et on ne pourra la compter tant elle sera nombreuse. L'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte, tu vas accoucher d'un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton humiliation. Verset 12. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il demeurera face à tous ses frères. Elle appela l'Éternel. Tu as compris? Verset 13. Elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Atta El Roy, car dit-elle, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est le verset 13 qui nous parle littéralement. Elle appela l'Éternel qui lui avait parlé. C'est-à-dire, l'ange de l'Éternel dont il est question ici n'est autre que l'Éternel lui-même qui est descendu sous la forme d'un ange, sur la forme d'une personne pour parler à Agar. Et ça, non seulement Agar le dit au verset 13 que c'est l'Éternel qui lui a parlé, mais en même temps, lorsque on lit au verset 10, l'ange de l'Éternel lui dit « Je multiplierai ». Il ne dit pas « Ainsi parle l'Éternel ». Parce que quand un ange de Dieu vient parler de la part du Seigneur, il dit « Le Seigneur a dit ». Ou bien il dit « Ainsi parle l'Éternel ». Mais ici, on voit que l'ange dit « Je multiplierai ». Donc c'est l'ange lui-même qui multiplierait. Donc ça ne peut être que Dieu. Seul Dieu peut parler comme ça. Voilà. Seul Dieu peut parler comme ça. Il dit « Je multiplierai ». Je multiplierai beaucoup ta descendance et on ne pourra la compter. Et l'ange lui dit, te voici enceinte et ainsi de suite. Donc seul Dieu peut parler de cette façon-là. Donc ça, c'est une première manifestation de Dieu qui est descendu sous une forme humaine au milieu de l'humanité. Donc Jésus, en tant qu'incarnation de Dieu, c'est pas la première fois que Dieu vienne comme ça sous forme humaine au milieu des hommes. Avançons maintenant dans Genèse 18. Genèse 18, du verset 1 au verset 2. Genèse 18, verset 1 à verset 2. L'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. C'est Abraham ici. L'Éternel lui apparut. Donc c'est l'Éternel, c'est écrit, hein? C'est Dieu l'Éternel, le seul, le Père, qui lui apparut. L'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda trois hommes. En fait, regarde ici, c'est l'Éternel qui vient sous la forme humaine de trois personnes, trois hommes. Gloire à Dieu. Tu vois, c'est pas nouveau ça que Dieu se manifeste en trois personnes, en trois formes différentes, de trois façons différentes en même temps. C'est pas nouveau. Ça existe déjà dans la Bible depuis le début. Puisque le verset 1 nous dit bien, l'Éternel lui apparut. Et comment est-ce que l'Éternel s'est incarné devant lui pour qu'il puisse voir? On voit au verset 2, il leva les yeux et regarda, trois hommes étaient debout près de lui. Voilà l'Éternel qui est devant lui en trois hommes qui sont manifestés devant lui. Et même, on continue un peu dans le 2, il se prosterne devant les trois. C'est ça alors qui prouve que c'est vraiment l'Éternel, parce qu'on se prosterne seulement devant l'Éternel. Et ça, c'est déjà prophétique en fait de la loi de Moïse qui va être donnée clairement aux hommes après par Moïse, qui nous dit que tu ne pourras te prosterner et adorer que le Dieu, que seul Dieu quoi en fait. Voilà. Donc, il leva les yeux et regarda trois hommes était debout près de lui. Quand il les vit, c'est pas quand il le vit, quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre et dit, Seigneur, voilà la preuve que c'est Dieu, c'est le seul Dieu unique qui se manifeste à Abraham en trois hommes devant lui. Amen. Ça, c'est ça toute la profondeur du mystère même. Le mystère qu'il y a dans Dieu, le mystère de Christ, c'est ça qui est manifesté là déjà depuis la Genèse. On le voit, on voit que Dieu a déjà fait ces manifestations là. Seigneur, si je peux obtenir cette faveur, il ne les appelle pas plusieurs, hein. Il dit Seigneur et c'est pas avec Seigneur avec S. Donc même Abraham parle avec révélation en fait. Abraham a la révélation que c'est le Dieu unique qui est manifesté en trois hommes devant lui. Il dit, Seigneur, sans cesse, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Et ensuite, voilà la suite. Donc ça, on le comprend. Si nous prenons maintenant Genèse 10 au verset 13. Attends, est-ce que c'est ça? 10, verset 13, j'espère que j'ai bien noté le verset. Genèse 10, non. En fait, non, c'est de 10 à 13, toujours. Genèse 18, pardon. Voilà, Genèse 18, c'est plutôt de 10 à 13 que je voulais dire. Genèse 18, du verset 10 au verset 13, l'un d'eux, dans les trois, l'une des personnes qui est manifestée là, l'un d'entre eux dit, assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis usée, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille ?» Donc c'est l'Éternel qui répond à Abraham, verset 13, et l'un d'eux au verset 10. L'un d'eux, c'est-à-dire que l'une des incarnations de l'Éternel qui est devant Abraham a parlé en disant à Abraham que Sarah va avoir un enfant. Et au verset 13, on nous dit l'Éternel. Donc en fait, c'est le verset 10 et le verset 13 nous confirment simplement encore que les trois personnes manifestées devant Abraham étaient l'Éternel. Tout simplement. Voilà. Donc, si nous prenons maintenant Genèse 19, on tourne une page. Genèse 19, verset 1. Genèse 19, verset 1. Les deux anges, maintenant, il y a deux anges qui sont allés avertir Lot que la ville devait être consumée par le feu. Les deux anges arrivaient à Sodome. Sur le soir, Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. On voit qu'ils avaient la révélation, Abraham et Lot, ils avaient la révélation du Dieu unique. Donc là maintenant, ce ne sont plus les trois qui sont partis, c'est deux qui se sont manifestés. Ils se sont incarnés, enfin, le Dieu unique s'est incarné cette fois-ci en deux personnes, devant l'autre. Mais les deux ne formaient que le Dieu unique que nous avons. C'est pas que l'un d'eux était une part, c'est que Dieu a choisi de se manifester comme ça en deux personnes, devant l'autre. Et l'autre, quand il les a vus, sans même qu'ils aient parlé, il a eu la révélation que c'est Dieu qui était venu vers lui et il s'est prosterné comme Abraham. Voilà. Donc, si on prend maintenant Osée 12, Osée 12 de 3 à 5, c'est bien que l'on retourne comme ça dans l'Ancien Testament pour voir en fait que toutes les questions qu'on se pose, mais comment le Père est dans le ciel, le Fils, tout ça, c'est des choses qui existent déjà dans l'Ancien Testament. C'est ce qu'on appelle des théophanies en fait. Les théophanies, ce sont les apparitions de Dieu en fait. C'est ça la théophanie, et Dieu est capable de se manifester comme il veut, sans limite. Dieu n'a pas de limite, il n'est pas limité dans l'espace comme nous. Alors, Osée 12, alors là je suis chez Daniel. Je suis trop loin. Le livre de Osée, il est tellement petit qu'il va se cacher. Okay. C'est un tout petit livre, un peu difficile souvent à dénicher. Joël, Amos, voilà, Osée, ok. Osée 12, du verset 3 au verset 5. Voilà, oui. Alors, Osée 12, verset 3. L'Éternel est aussi en procès avec Juda, et il interviendra contre Jacob. Et il interviendra contre Jacob selon sa conduite, il lui rendra de ses œuvres. Alors, dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, dans Ésaü. Et dans son âge mûr, il lutta avec Dieu. On sait que dans le livre de la Genèse, là, Jacob avait lutté contre l'ange de l'Éternel pendant une nuit entière. Et le lendemain, justement, il a dit à l'ange de ne pas partir sans, il ne le laisserait pas partir sans l'avoir béni. Et c'est là que son nom Jacob a été changé en Israël, qui est devenu l'ancêtre des Israélites. Et c'est ça qui est rappelé. C'est ça qui est rappelé ici. Il est dit que il lutta avec un ange. Je lis le verset 5. Et dans son âge mûr, Jacob, il lutta avec Dieu. On nous dit bien, il lutta avec Dieu. Et il lutta avec un ange et fut vainqueur. Il pleura et demanda grâce. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Et c'est là que Dieu nous a parlé. Donc, nous voyons que Dieu était déjà venu sous la forme humaine de l'ange de l'Éternel et avait lutté une nuit avec Jacob. Puisqu'on nous dit ici là que Jacob a lutté avec Dieu. Donc, Dieu est venu également sous la forme de l'ange de l'Éternel pour lutter contre Jacob. Donc, ce n'est pas la première fois que Dieu s'incarne sous la forme humaine. Donc, nous allons continuer justement à exposer sur la personne de Jésus, puisque c'est bien ça qui nous intéresse. On voit que Jésus est l'incarnation humaine de Dieu. Donc, Jean 8, du verset 58 au verset 59. Jean 8, 58 à 59. Jean 8, verset 58, il nous est dit, Jésus lui dit, en vérité, je vous le dis, avant que Abraham fût, moi je suis. C'est quand même une phrase qui doit nous laisser interrogateur. Il ne dit pas que avant que Abraham fût, moi j'étais où. Il dit avant que Abraham fût, moi je suis. Et ce qui est très intéressant, c'est la réaction des Juifs. Et ça, nous n'avons pas ce discernement-là. C'est vrai que les Juifs, en fait, avaient une relation, comment dire, ils avaient une connaissance approfondie du Dieu de leur père, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils avaient une connaissance approfondie des Écritures, l'Ancien Testament. Donc, lorsqu'ils voyaient un comportement manifesté devant eux, connaissant la loi, ils savaient ce que ça signifiait. Donc, quand Jésus leur dit « Avant que Abraham fût, je suis », eux, ils ont compris directement qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire. Et c'est ça qui explique leur réaction au verset 59. Alors que nous, on a encore du monde, on se dit « Mais Jésus, c'est le Fils de Dieu, il n'est pas tout à fait Dieu, tout ça. » Mais dès qu'il a dit « Je suis », qu'est-ce qu'ils ont fait? Là-dessus, ils prirent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Pourquoi ils ont réagi comme ça? Parce qu'ils avaient compris qu'ils se prenaient pour Dieu. C'est pour ça qu'ils ont pris des pierres. Mais nous, bon, on va dire, oh oui, Jésus, c'est un homme, il est presque Dieu, il n'est pas, tout ça. Mais eux, ils ont pris les pierres tout de suite pour le lapider. Parce qu'ils savaient que il y a un seul Dieu unique qui existe et comment ce Jésus-là peut vouloir se prendre pour Dieu. Donc, Jésus clairement leur montrait qu'il est Dieu, mais nous, on a du mal à comprendre ça, alors que les Juifs le comprenaient aisément et c'est pour ça qu'ils voulaient lapider Jésus. Donc, ce je suis-là, donc on peut lire même aussi Jean 18, du verset 4 au verset 6. Et après, on va regarder dans l'Ancien Testament d'où vient le nom « Je suis là ». Jean 18, du verset 4 au verset 6. Là, c'est lors de l'arrestation de Jésus. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Et ils répondirent, « Jésus de Nazareth. » Il leur dit, c'est moi. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Ça, c'est extraordinaire. En fait, dans le texte grec d'origine, puisque le Nouveau Testament est écrit en grec, en fait, quand Jésus dit, c'est moi, c'est traduit, je suis. En fait, ce que Jésus a dit, c'est je suis. C'est pas c'est moi. Il a dit je suis. Donc on a demandé qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth et Jésus a répondu je suis. Et en fait on sait que le je suis c'est le nom de Dieu en hébreu. Donc quand il dit je suis comme ça, Ça veut dire que c'est moi Dieu. Et c'est ça qui a dégagé la puissance qui a renversé ces soldats-là qui étaient venus l'arrêter. Et ça, on peut regarder dans Exode. Retournons dans Exode 3 au verset 14. Exode 3, verset 14. Exode 3. Pardon. Exode 3, verset 14. Alors, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Amen. Donc, c'est le Père éternel qui s'est manifesté à Moïse. Dans le buisson ardent, il a dit à Moïse qu'il s'appelle Je suis. Tu diras aux enfants d'Israël que c'est Je suis qui t'envoie. Et on voit que Jésus aussi dit Je suis. Il utilise cette expression-là. Lorsque on a lu tout à l'heure dans Jean 8, du verset 58 au verset 58, Jésus a dit « Avant que Abraham fût, je suis. » Il a donné son nom. Et dans le verset de chapitre 18, du verset 4 au verset 6 du livre de Jean, pareillement, quand les gardes sont venus arrêter Jésus, on a demandé, Jésus a demandé qui cherchez-vous. Ils ont répondu « Jésus de Nazareth. » Il a dit « Je suis. » Donc, il a donné son nom, en fait. C'est-à-dire qu'il est Dieu. Aucun Israélite ne peut dire « Je suis ». Ça n'existe pas chez eux, dans l'hébreu. On ne peut pas dire ça parce que c'est réservé pour Dieu seulement. Voilà. Donc, on le comprend de plus en plus profondément. Si on prend... Oui. Je dis qu'on a commencé, je suis... En tout cas, par rapport à la réincarnation, là, vraiment, c'est... Vraiment, là, j'ai bien compris. Et en fait, là, maintenant, il y a un peu d'interrogation, c'est quoi de faire, par exemple, Jésus, quand il était sur la croix, il parlait au Père, il s'adressait au Père, et de faire quoi, et demander, par exemple, aux disciples, faites la volonté de notre Père, alors que c'était, enfin, c'est juste là, mais vraiment, par rapport à la réincarnation, effectivement, j'ai. Parce que justement, parce que en fait, sans te couper en fait, le Dieu unique en fait a plusieurs fonctions. C'est-à-dire que Jésus qui est le Fils, qui est avec les disciples, il ne peut pas dire priez-moi directement, parce que dans sa fonction de Fils, c'est pas son rôle quand il est là en tant que Fils. Tu vois, il va dire prier le Père. En fait, c'est lui-même, mais dans sa fonction de Père, que les disciples doivent prier. Tu vois, c'est si j'essaye d'expliquer ça humainement, je risque de perdre encore, mais je préfère laisser ça juste avec l'explication spirituelle qui se rapporte à Dieu seulement. C'est que si en tant que Fils, il demande de c'est comme le Saint-Esprit par exemple. Le Saint-Esprit est aussi Dieu, mais on ne peut pas prier le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'a pas la fonction de médiateur. Le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Donc c'est Dieu dans sa fonction de Fils qui est le médiateur avec Dieu dans sa fonction de Père. C'est pour ça qu'on va prier le Père au nom de Jésus, c'est-à-dire dans la fonction de Fils, il est le médiateur pour justement s'adresser au Père, qui n'est autre chose que Dieu. C'est en fait, Dieu est souverain et il a décidé d'agir de cette façon-là, dans ces trois manifestations-là, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a décidé d'agir comme ça et que chacun ait sa fonction et que lorsqu'il est manifesté dans une fonction, il ne va pas assumer l'autre fonction alors qu'il est dans une fonction, tu vois. Il va te renvoyer vers l'autre fonction, en fait, qui joue le rôle que toi tu lui demandes là en ce moment. Donc c'est pour ça qu'il ne va pas dire aux disciples, il aurait pu dire aux disciples, baptisez-les en mon nom. Il dit non, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a une révélation derrière, en fait. Donc, lorsqu'il avait les disciples, il va dire, le Père m'a envoyé, ainsi de suite, parce que, justement, dans les trois manifestations, enfin, les trois manifestations que Dieu a choisies, à savoir Père, Fils, il a choisi que le rôle du Père, la fonction du Père, c'est d'envoyer le Fils. Mais ça ne veut pas dire que ces deux entités séparées. C'est vrai que c'est très très difficile à nous pour nous de comprendre ça. Mais c'est que Dieu dans sa fonction de Père a le rôle d'envoyer le Fils et le Fils a le rôle de faire la volonté du Père. Mais en réalité, c'est un seul Dieu qui se manifeste de ces deux façons là et les deux peuvent communiquer ensemble. Et comme on a vu dans l'Ancien Testament, les trois la théophanie, c'est-à-dire la manifestation de Dieu devant Abraham en trois personnes, on est bien, en trois personnes physiques, hein, on est bien convaincu que ces trois personnes physiques-là pouvaient faire trois choses différentes en même temps. Oui, l'un pouvait entrer, se laver les pieds dans la tente d'Abraham pendant que l'autre est en train de prendre de l'air dehors, pendant que l'autre est en train... Mais les trois, c'est Dieu en même temps. Tu vois? Et il y a un seul qui a parlé à Abraham pendant que les autres s'étaient tus. Donc, un a un rôle, et puis les autres, eux, ils sont dans leur rôle, en fait. Donc, c'est comme ça. Et Dieu respecte ces rôles-là. C'est pour ça que, même si nous disons que nous comprenons à la lumière des Écritures que Jésus est le Père, nous n'allons pas appeler Jésus le Père, pas du tout. Bon, bien que Ésaïe 9 au verset 41 dit « on l'appellera Père éternel », mais si la Bible appelle quelque part le Père, on ne va pas remplacer ça par Jésus. On va toujours dire le Père, parce qu'il est dans une fonction de Père à ce moment-là, il faut qu'on garde ça comme ça. Si tu remplaces par le Fils, on ne comprend plus rien. Si tu remplaces là où tu vois le Père par Jésus, on ne comprend plus rien. Parce que dans cette fonction-là, Jésus n'a pas cette fonction-là. En fait, c'est le Père qui a cette fonction-là à ce moment-là. Mais tout ça, c'est la même représentation du seul Dieu unique, en fait. Voilà. Voilà. C'est un peu ça qui embrouille un peu. Oui, vas-y, Marie. Quand ma copine est venue, elle m'a dit, oui, moi aussi je comprends pas pourquoi il dit ça, parce que ça veut dire que Jésus se parle à lui-même quand il allait prier, là. Moi je lui ai dit, j'ai eu une explication, mais on n'a pas fini d'expliquer, donc vraiment je ne peux pas. Ouais. Elle dit, donc ça veut dire que Jésus se parle à lui-même, comment ça se fait? Je comprenais pas, du coup, moi je me disais, mais pourquoi sortir de la parole alors que la parole nous montre clairement que le Fils s'adresse au Père? Moi je sais que les témoins de Jéhovah m'ont déjà posé la question. Ils me disent, mais oui, ben, tu as une petite fille. Est-ce que la petite fille, elle peut être toi en même temps, vous parlez ensemble et c'est toi qui t'adresses à toi-même? Tu vois, c'est parce qu'on a une projection humaine. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Si tu viens avec le raisonnement humain, tu vas devenir fou. C'est pour ça que les musulmans ne peuvent pas comprendre quand on leur parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ne comprennent pas ça. C'est pour ça que c'est une question de révélation, en fait. Il faut que Dieu te révèle cela. Et même avec les explications que nous avons là, on va lire tout à l'heure, 1 Corinthiens 13 au verset 9 nous dit que nous ne connaissons qu'en partie. La révélation que nous avons là, en fait, c'est une partie de la révélation, mais ce mystère-là de Christ va nous être pleinement révélé lorsque nous allons revêtir le corps glorieux. Après la résurrection des morts, lorsque nous allons retrouver le Seigneur, là nous allons connaître toutes choses telles qu'il faut que nous connaissons. Parce que maintenant, nous ne connaissons qu'en partie. C'est pour ça que des fois, on se discute, on se tape les versets, tout ça, chacun pense qu'il a raison, mais tout ça, ça ne sert à rien. La réalité, c'est qu'il faut prier. Il faut prier Dieu pour avoir la révélation qui est suffisante maintenant, mais la pleine révélation va arriver au moment vraiment où on sera devant le Seigneur et lui-même pourra nous expliquer les choses. Parce que moi, je pense que l'intelligence spirituelle que le Seigneur nous a donnée jusqu'à présent, il y a des choses que on ne peut pas encore recevoir pour l'instant. Donc, on va se limiter à la révélation que Dieu a bien voulu nous ouvrir de sa parole. Mais c'est sûr qu'il y a encore des points d'ombre là-dessus que Dieu peut encore éclairer lui-même de façon plus parfaite, pour qu'on puisse comprendre vraiment de façon plus nette, quoi. Mais là, il nous manque. Là, on arrive à comprendre, mais on sent quand même qu'il nous manque des éléments, quoi, que seul Dieu peut révéler. Et ça ne peut être révélé qu'en son temps. Parce que moi, je pense que c'est pas encore le moment pour le Seigneur de pouvoir le révéler. Ce dont on a besoin pour être sauvé et comprendre les Écritures, le Seigneur le révèle dès maintenant. Alors, si je prends Jean 12 au verset 41. Oui, Jean 12, verset 41. Jean 12, verset 41 nous dit... Non, c'est bon, il n'y a pas d'écho, parce que là, moi aussi, j'ai enlevé, je l'avais branché sur des enceintes, là, j'ai enlevé, donc c'est bon. Là, c'est... Dans Jean 12, verset 41. D'accord. Alors, Jean 12. Verset 41. Oui, tu peux commencer à dire ça. Ok, c'est bon. Alors, c'est ce que dit Ésaïe lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. C'est ce que dit Ésaïe lorsqu'il vit sa gloire et parla de lui. Il parle de qui ici là? Il parle de Christ, hein? Il vit la gloire de Christ en fait. Et lorsque tu vas lire dans Ésaïe 6 au verset 5, Ésaïe 6 verset 5 nous dit... Attends. Oui, Ésaïe 6, verset 5. Alors, Ésaïe 6, verset 5 dit: malheur, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi de gloire, l'Éternel des armées. Attends, je crois que j'ai un problème de référence là. Je pense que c'est Pierre qui est devant le Seigneur et qui confesse son péché. Je crois, attends, est-ce que c'est ça? Voilà, bon, en tout cas, oui, en fait, ici, là, je voulais simplement mentionner que c'est Jésus que Ésaïe a vu, en fait, ici, là, dans Ésaïe 6, là. C'est Jésus, en fait, que Ésaïe a vu là, et il en parle dans Jean 12 au verset 41. C'est sa gloire. Il dit... Oh, mais oui, mon frère, justement, dans Ésaïe 6, verset 3, oui. Effectivement, il dit, il s'écriait, l'un d'entre eux, saint, et l'Éternel, le maître de l'univers. C'est Jésus qui dit qu'il est trois fois saint. Non, il a dit saint. Il n'a pas dit les trois fois saint, hein, attention. Il dit saint, et il ne dit pas trois fois saint. Tu vois, c'est là justement que les trinitaires nous amènent un peu sur un terrain ambigu. Il a dit saint est l'Éternel. Et il ne dit pas trois fois saint. C'est pas écrit trois fois saint. C'est écrit saint est l'Éternel. Et donc, c'est ce que dit Ésaïe lorsqu'il vit sa gloire. Attends, si on commence un peu plus haut, au verset 37, pour mieux comprendre, hein, Jean 12, verset 37. Parce que si on ne lit pas, oui, verset 37, si on ne lit pas plus haut, on ne peut pas comprendre le contexte. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre de quoi il parle là. Donc, malgré tant de miracles, verset 37. Alors, malgré tant de miracles qu'il avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui, afin que soit accomplie la parole du prophète Ésaïe. Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre et à qui le bras du Seigneur a été relevé. Aussi ne pouvait-il pas croire parce que Esaïe a dit « Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » C'est ce que dit Esaïe lorsqu'il vit sa gloire, la gloire de Christ en fait. La gloire de Christ, et qu'il parla de lui, parce qu'il est en train de parler de Christ. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, crurent en Jésus, en fait. On parle de Jésus ici. Mais à cause des pharisiens, il ne leur confessait pas pour ne pas être exclus de la synagogue. Donc, en fait, ici, car ils aimaient la gloire des hommes, ainsi de suite. Donc, on comprend bien qu'il parle de la gloire de Jésus, et c'est ce que Esaïe a vu dans Esaïe 6. On peut lire tout de Esaïe 6 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Donc, en fait, on comprend que c'est Christ que Esaïe a vu dans son passage. Alors, si on prend maintenant, pour avancer, Jean 14, du verset 8 au verset 10. Oui. Jean 14, verset 8 à 10. Ça, c'est un passage que je prenais souvent avec un collègue musulman avec qui je discutais. Jean 14, 8 à 10. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela me suffit. » Jésus lui dit, « Il y a longtemps que je suis avec vous et tu me demandes et tu ne m'as pas connu. » Voilà ce qu'il dit. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela me suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je dis ne viennent pas de moi. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Crois-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Voilà. Donc, en fait, ici, on voit que le Père et Jésus sont intrinsèquement liés. Il n'y a pas de distinction au sens humain comme nous voulons faire là. Même s'ils peuvent s'incarner comme ça différemment, en fait, c'est le seul et unique. Ils sont l'un dans l'autre. Voilà. Ils sont totalement liés de cette façon, de façon spirituelle, en fait. Et on peut même voir aussi dans Jean 10, du verset 30 au verset 31. Jean 10, du verset 30 au verset 31. Jean 10, verset 30 à 31. Moi et le Père, nous sommes un. Quand Jésus dit ça, regarde ce qui se passe. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure lorsqu'on lisait dans Jean 8 au verset 58. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il dit, moi et le Père, nous sommes un, les Juifs ramassèrent de nouveau les pierres pour le lapider. Et ça, ce sont des choses que nous chrétiens, nous avons du mal à comprendre. Nous avons du mal à comprendre ces évidences-là, alors que les Juifs comprenaient ça de façon instantanée, hein. Quelqu'un dit, le Père et moi, nous sommes... Ils prennent les pierres directement pour lapider. Parce que Exode 3 au verset 1 a bien dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, ils ont compris qu'il est en train de dire qu'il est Dieu le Père, l'a manifesté devant nous. Et eux, ils ne peuvent pas supporter ça. Et si on regarde au verset 38, toujours de Jean 10, il est dit, mais... Verset 38 de Jean 10. Mais si je l'ai fait, quand même vous ne me croirez pas, croyez à ses œuvres afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et moi dans le Père. Le Père est en moi, le Père est incarné en moi, et moi aussi, je suis dans le Père. Voilà. Donc, ce sont tous ces versets-là qui nous montrent qu'ils sont intrinsèquement liés. En fait, c'est le même Dieu qui se manifeste simplement de trois façons différentes. Prenons maintenant Jean 5 au verset 18. Là aussi, c'est écrit encore beaucoup plus littéralement même. Jean 5, verset 18. C'est bon? Jean 5, verset 18. J'ai un peu baissé pour réduire l'écho. Jean 5, verset 18 nous dit: à cause de cela, les Juifs cherchaient encore à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre père. Tu vois la suite de la phrase? Il disait que Dieu était son propre père, se faisant lui-même égal à Dieu. Amen. Dont les Juifs, nous chrétiens, on a du mal à comprendre que quand on dit le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu lui-même. Mais les Juifs, eux, ils avaient compris que s'il se prend pour le Fils de Dieu, s'il appelle Dieu son Père, c'est qu'il est Dieu lui-même. Il est l'égal de Dieu. C'est pour ça qu'ils cherchaient à le lapider. Nous, on a du mal à comprendre les Écritures. Mais les Juifs qui avaient une bonne connaissance de l'Ancien Testament, des Écritures, notamment les scribes, les pharisiens, quand ils entendaient Jésus appeler Dieu son Père, ils comprenaient qu'il était en train de dire qu'il est Dieu. Voilà encore où c'est clairement écrit. Ce faisant, le fait qu'il appelait Dieu son Père, nous on dit non, ce n'est que le Fils de Dieu. Ainsi, mais les Juifs, eux, ils disent que se faisant lui-même égal à Dieu. Voilà pourquoi ils prenaient les pierres pour le lapider. Eux, ils comprenaient ça. Ils comprenaient ça directement. Mais nous, les chrétiens, avec le Saint-Esprit que nous avons, alors que les Juifs ne l'ont même pas, nous sommes lents à comprendre ces choses-là. Nous sommes lents à comprendre les choses que les Juifs avaient compris aisément. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient même pas accepter que Jésus... Que Jésus puisse dire ce genre de paroles là sans le lapider, parce que eux ils savent en lisant les Écritures de l'Ancien Testament que le Messie qui va venir, en fait c'est Dieu qui va venir au milieu d'eux, puisque ils savent que c'est Emmanuel, c'est Dieu qui va venir au milieu d'eux. Et ce qu'ils n'ont pas supporté, parce que eux ils pensent que Dieu doit venir dans sa gloire. Eux ils n'ont pas supporté que Dieu vienne dans une étable misérable. Donc c'est ça. C'est ça. Je vais relancer Maria. Je vais relancer Maria. Donc voilà. C'est ça qui est. Donc, en fait, j'étais en train de dire que les Juifs, ça, ce sont des trucs qu'ils comprenaient aisément. S'ils l'appellent Dieu son Père, nous, on dit, oh non, ce n'est que, bon, Dieu est son Père, c'est pas grave. Mais les Juifs, eux, ils comprenaient la signification derrière. Ils disaient, mais comment il peut dire que Dieu est son Père? Ça veut dire qu'il se prend pour égal à Dieu. Ça veut dire qu'il se prend pour Dieu sur terre. Donc, c'est pour ça qu'ils voulaient le lapider. Sachant que le premier commandement de Exode 3, leur dit clairement que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc pour eux, c'était impossible. Et eux, ils attendaient le Messie, Emmanuel, Dieu parmi nous. Ils attendaient que Dieu vienne dans sa gloire. Mais de voir quelqu'un qui vient naître dans une étable misérable, dans une petite ville qui s'appelait Ephrata, Bethléem après, et venir de cette façon-là et se déclarer Dieu, ils disent non, c'est pas possible. C'est pas possible que notre Dieu vienne sous cette forme-là. Pourquoi ils n'acceptent pas Ah oui, non. Les Juifs ne peuvent pas accepter ça. Bon, regardons maintenant autre chose qui s'est passée pendant le ministère de Jésus et qui nous montre véritablement que Jésus était Dieu. Nous avons lu le commandement. Attends, retournons dans Exode 20. C'est plutôt Exode 20 là qui nous parle des 10 commandements. C'était Exode 20 verset 3 plutôt, qui nous dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si nous prenons Exode 20 verset 5, il dit: tu ne te prosterneras pas devant elle. Il parle des statues, en prenant même à partir du verset 4. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, et de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne leur rendras pas un culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Donc on comprend en fait que les Juifs ne peuvent pas adorer, et ça même je vais encore confirmer, parce que Jésus cite encore ce commandement dans Matthieu 4, lorsqu'il est tenté par le diable. Jésus va citer encore cette parole-là. Allons dans Matthieu 4, verset 10. Je vais même lire à partir du verset 8. Matthieu 4, verset 8 nous dit: le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Qu'est-ce que Jésus répond? Jésus lui dit, regardons, depuis le diable est en train d'essayer de séduire Jésus, Jésus a laissé passer, mais dès qu'il lui parle de l'adoration, dès qu'il lui dit: prosterne-toi devant moi et m'adore, qu'est-ce que Jésus lui dit? Retire-toi Satan. Car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Donc on ne peut rendre un culte qu'à Dieu et se prosterner, adorer uniquement Dieu. Regardons maintenant dans la parole de Dieu. Prenons Matthieu 2 au verset 11. On peut tourner une page juste en arrière. Matthieu 2 verset 11 nous dit quoi? Ils entrèrent, ça ce sont les mages qui sont venus voir l'enfant qui était né. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrèrent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc on voit que Jésus, déjà enfant, les mages se sont prosternés et l'ont adoré. Et il n'y a pas eu de scandale. Première chose, Jésus a dit là-bas dans Matthieu 4 au verset 10: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui rendras un que lui seul. C'est lui seul Dieu qui peut être adoré. Et on voit ici que les mages ont adoré Jésus. Passons maintenant à Matthieu 14 verset 33. On peut dire que oui, bon, il était enfant, tout ça. Prenons maintenant Jésus adulte. Matthieu 14 verset 33. Matthieu 14, verset 33 nous dit: ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent: tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Et on a vu que pour les Juifs, quand ils disent le Fils de Dieu dans Jean 5 au verset 18, on a vu que s'il dit qu'il est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il se prend pour égal à Dieu. Ça veut dire qu'il dit qu'il est Dieu. Et ici, on voit qu'ils se sont prosternés. Ça, ce sont des Juifs qui connaissent les commandements que nous avons lus là. Ceux qui étaient dans la barque, je lis Matthieu 14, verset 33. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dire: tu es véritablement le Fils de Dieu. En l'occurrence, tu es Dieu, en fait. C'est pour ça qu'ils peuvent se prosterner devant lui. Si nous tournons maintenant dans Matthieu 28 au verset 9. Matthieu 28, verset 9. Matthieu 28, verset 9 nous dit: et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Ils s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Amen. Voici des femmes juives qui viennent adorer Jésus et elles adorent Jésus. Alors Jésus dit: soyez sans crainte, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Donc voilà, Jésus après la résurrection étant une preuve encore que c'est Dieu même manifesté dans la chair humaine, les femmes sont venues se prosterner devant lui sans aucun problème. Et nous savons qu'on ne peut se prosterner que devant Dieu le Père. Donc, si Jésus, sans aucun problème, accepte qu'on se prosterne devant lui, ça veut dire qu'il ne peut être que Dieu, qu'il ne peut être que Dieu le Père même manifesté dans la chair humaine. Et nous savons bien que... Excuse-moi, mais il y a un passage en fait où il y a un disciple de Jésus qui dit à Jésus, mon maître, et Jésus lui dit: pourquoi m'appelles-tu bon? Oui, seul Dieu est bon. Donc, comme j'étais en train de dire, en fait, il faut toujours comprendre que lorsque Jésus parle, il est Dieu manifesté en chair, mais dans quelle fonction il est? Lorsqu'il parle, quand il est là, il ne peut pas parler ouvertement en tant que fils dans la fonction du Père. Ça ne se mélange pas, en fait. Il ne peut pas parler ouvertement comme ça, comme le Père. C'est pour ça qu'il n'a jamais dit littéralement « je suis le Père ». Tu vois, il n'a jamais dit ça littéralement, parce que les trois fonctions, les trois attributs, les trois titres ne peuvent pas se confondre, ne peuvent pas se mélanger. S'il est fils, il faut qu'il reste dans sa fonction de fils et qu'il renvoie au Père la fonction de Père. Pendant que tu es normalement en tant qu'étudiante, je reste en comptabilité, je dis n'importe quoi, tu ne vas pas parler à ton professeur, il te parle de comptabilité et toi tu es en train de lui parler de la parole de Dieu. Normalement, tu ne fais pas ça pendant le cours. Tu vas faire ça en dehors. Tu vois? Donc, il laisse cette fonction-là au Père. Il renvoie vers le Père, même si il sait que c'est toujours lui qui est incarné. Le Père et lui, ils sont un, mais il ne va pas dire c'est moi, il prend la fonction du Père. Non, c'est vraiment des fonctions bien distinctes. Et quand il est dans une fonction, il ne va pas parler comme s'il était dans une autre fonction. Il y a même un autre passage, en fait. Il y a un autre passage que je voulais... J'ai pas bien compris, parce que là j'étais en train de chercher un passage. Oui. Du fait que malgré qu'il est incarné ou qu'il est en fils, c'est en fait esprit, il veut toujours garder son, comme il dit qu'il est un Dieu jaloux. Oui. Il veut, en gros, je sais pas comment c'est le mot, je sais pas. T'échappe. Ouais, c'est le mot qui m'échappe, mais si ça me revient, je vais te expliquer en fait. D'accord. Prenons Apocalypse 19 au verset 10. C'est ça que je voulais lire. Apocalypse 19, verset 10. Oui, Apocalypse 19, verset 10. C'est important de le mentionner. L'ange me dit, je commence au verset 9, Apocalypse 19, 9. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc on ne peut pas adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Donc si Jésus n'était pas Dieu manifesté dans la chair, Père, s'il ne l'était pas, il aurait réagi comme l'ange ici là. Il aurait dit aux gens, aux femmes ne m'adorez pas dans Matthieu 28 au verset 9 et 10. Il n'aurait pas dit aux femmes, il aurait dit tout de suite aux femmes, ne m'adorez pas. Mais il n'a pas dit ça du tout. Il s'est laissé adorer parce qu'il sait qu'il mérite l'adoration. Et seul Dieu éternel mérite cette adoration-là. Depuis le livre d'Exode là-bas, on l'a déjà vu. Voilà. Donc, si on prend Jean 5 au verset 23, on va voir tous ces passages-là, hein, parce qu'il y en a une multitude. On ne va pas tous les visiter, mais on va quand même en voir quelques-uns. Jean 5, verset 23 nous dit, je peux m'en prendre à partir du verset 22, puisqu'on parle du Père et du Fils là. Jean 5, verset 22. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis le jugement au Fils. C'est-à-dire que Dieu incarné dans la fonction de Père ne va pas juger, mais il a remis ça à Dieu incarné dans la fonction de Fils, tout simplement. C'est le seul Dieu qui assure ses fonctions différentes en tant que Père, en tant que Fils. Et lorsqu'il est en tant que Fils, il peut effectivement juger sans aucun problème. Alors, ben, mais lisons la suite, c'est ça qui nous intéresse. Alors, de plus, le Père, verset 23, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc en fait, c'est la même, puisqu'on ne peut adorer, puisque honorer ici c'est aussi adorer derrière, on ne peut adorer que Dieu qui est le seul. Et si tu adores le Père, tu adores le Fils. Si tu adores le Fils, tu adores le Père. En fait, c'est pour dire que, en fait, on parle du seul et unique et unique Dieu qui se manifeste de cette façon-là. Alors, maintenant, on va aller un peu plus loin. Tout à l'heure, on avait dit dans Ésaïe 6 que c'est Jésus que Ésaïe avait vu manifester là, assis sur le trône. On va avoir une confirmation aussi avec un autre passage, c'est dans Luc 5 au verset 8. Luc 5, verset 8. Luc 5 au verset 8. Donc, je vais m'en prendre à partir du verset 6. Luc 5, je prends même à partir du verset 5 pour qu'on comprenne mieux. Luc 5, 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant fait, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Amen. Donc, quand Simon a vu ce que Jésus avait fait là, Le péché de Simon s'est dévoilé. Il s'est vu comme un pécheur. Et ce n'est que dans la présence manifestée de Dieu qu'on se voit comme pécheur. Regarde ce que, comment est-ce que Simon-Pierre a réagi. Et regarde comment dans Ésaïe 6, Ésaïe, lorsqu'il a la vision du trône, comment est-ce qu'il réagit? C'est une réaction identique. Identique. Oui, Ésaïe 6, verset 5. Ésaïe 6, verset 5 dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ce n'est que dans la présence du roi, l'Éternel des armées, qu'on réalise son péché comme ça. Et c'est exactement comme ça que Pierre a réagi dans Luc 5 au verset 8. Pierre a dit à Jésus, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. C'est exactement similaire à la réaction de Ésaïe ici, Ésaïe 5 et Ésaïe 6 au verset 5 et Luc 5 au verset 8. On voit Jésus n'est que l'Éternel des armées, hein. Et c'est cette révélation, on voit encore, c'est encore Pierre, hein, celui qui avait dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est encore lui qui a réalisé ça. On voit vraiment que en fait, Dieu avait donné cette révélation de Jésus là à Pierre déjà. Pierre avait, contrairement aux autres disciples comme Philippe qui disait montre-nous le Père, tout ça, Pierre avait commencé déjà à comprendre. C'est vrai que quand les disciples marchaient avec Jésus, ils ne comprenaient pas tout à fait réellement qui était Jésus. Mais c'est au fur et à mesure, c'est après quand Jésus est parti, que le Saint-Esprit est venu, que tous les disciples ont compris qui était Jésus. Mais Pierre avait déjà commencé à recevoir cette révélation-là de qui était Jésus réellement. Bon, si je prends maintenant Marc 2. Oui, Marc 2 à partir du verset 7. On voit que seul Dieu peut être adoré et Jésus s'est laissé adorer. Sans aucun problème. Si tu prends maintenant Marc 2 du verset 7 au verset 10. On a encore autre chose là-bas. Marc 2 verset 7 me dit... Comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit, pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Amen. C'est-à-dire que les Juifs qui connaissent les Écritures, je reviens encore là, et nous, c'est à cause de notre ignorance des Écritures qu'on arrive souvent à des conclusions aberrantes. Les Juifs savaient que seul Dieu pardonne les péchés, seul l'Éternel pardonne les péchés. Et Jésus est en train de dire ici que il dit à un malade, tes péchés te sont pardonnés. C'est pour ça que les Juifs ont commencé à murmurer. Ils disent, mais qui est celui-là qui dit que tes péchés se sont pardonnés, sachant qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés? Donc ici, les Juifs étaient scandalisés par les paroles de Jésus parce qu'ils comprenaient qu'il est en train de dire « Je suis l'Éternel là manifesté devant vous, je suis le Père » et vous ne comprenez pas. Mais, et c'est pour ça que justement, à chaque fois ils prenaient les pierres pour le lapider ou bien ils étaient scandalisés, ils s'indignaient par les paroles de Jésus parce qu'ils voyaient à quoi ça renvoie justement. Donc, on va prendre maintenant l'aspect Saint-Esprit. On a vu déjà la relation entre Jésus le Fils et le Père, on a vu que Jésus n'est autre que le Père qui assume une fonction différente. En fait, il n'est autre que Dieu qui assume une fonction différente. Maintenant, on va voir maintenant un petit peu aussi le Saint-Esprit qui n'est autre que Jésus encore, hein, manifesté maintenant sous la forme d'esprit, qui n'est autre que Dieu manifesté sous la forme d'esprit. En fait, on va le voir. Oui. Non, en fait, quand tu dis on ne le verra plus, c'est comme si, en fait, c'est Dieu qui décide de s'incarner comme il veut. Tu vois? Donc, quand tu prends, par exemple, Apocalypse 1, au verset 1, il est dit révélation de Dieu, de Jésus que Dieu lui a donné. C'est-à-dire que le nom de Jésus va demeurer éternellement. Si tu prends par exemple Apocalypse 5, il nous est parlé de l'agneau immolé, dont le souvenir de l'œuvre de la croix sera manifeste même dans le ciel. C'est-à-dire, Jésus et l'œuvre accomplie à la croix ne seront jamais oubliés. Et là, on aura toute cette révélation dont il ne va jamais disparaître. Les trois fonctions sont toujours présentes, toujours et toujours et toujours, et représentent un seul et même Dieu. Ça ne va jamais disparaître. Mais le mystère de Christ va nous être totalement révélé lorsque nous serons dans le ciel. Il n'y a pas un qui doit disparaître. Non, ils sont tous là, toujours comme ça, comme le Père a voulu. Et après, nous allons, voilà, dans le ciel, nous allons tout comprendre. Oui, mais déjà, il y a une chose que je vais introduire là, c'est que Dieu le Père... Enfin, je m'exprime mal. Dieu, dans sa fonction de Père, s'est manifesté au peuple d'Israël, s'est manifesté à Moïse dans le buisson ardent, s'est manifesté à Abraham, l'appelant à sortir de son pays. Ça, c'était Dieu incarné, enfin, en tout cas, incarné comme Père dans sa fonction de Père. Ensuite, Jésus, en tant que Fils, est venu et puis a eu des disciples qui ont institué l'Église. Jésus étant remonté dans le ciel, maintenant, dans la dispensation dans laquelle nous sommes, Dieu se manifeste au milieu de nous par son Esprit, sous la forme d'Esprit. Voilà. Et c'est ça maintenant qu'on va introduire, et on va voir comment Jésus a expliqué qu'en réalité c'est toujours lui qui va revenir sous la forme d'esprit. C'est toujours Dieu éternel qui revient sous la forme de l'esprit. Et ça, on peut déjà voir ce verset qu'on a lu tout à l'heure dans Jean 14 au verset 23 où il est dit « Si celui qui m'aime, mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure chez lui. » Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Oui, par rapport à l'esprit, voilà. Et on va voir la relation avec Jésus. Comment Jésus a annoncé ces choses-là. Que maintenant qu'il ne sera plus présent, il va continuer à être là, mais manifesté en esprit, en fait. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc, quelqu'un qui garde les commandements de Jésus, le Père et Jésus viennent et font leur demeure en lui. Si tu prends maintenant Jean 14, toujours au verset 17. Qu'est-ce que nous avons? Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Amen. Donc, l'Esprit Saint viendra en nous. Et nous savons, d'après 1 Corinthiens 3, 16, par exemple, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu, dont en fait le Père ici, comme on a dit, celui qui garde mes commandements, le Père l'aimera et nous viendrons faire notre demeure en lui, dont en lui le Fils et le Père qui viennent habiter dans cette personne, qui viennent faire leur demeure, n'est autre que l'Esprit en fait. Puisque nous avons les, ce n'est autre que l'Esprit. Donc on comprend que le Père, le Fils, l'Esprit, ce n'est que un en fait. Et c'est lui qui vient habiter dans le cœur, le Père, le Fils. Et ici on nous dit c'est l'Esprit qui vient habiter. Donc on comprend que tout ça en fait ne représente qu'un seul. C'est une seule entité, un seul et même Dieu qui se manifeste maintenant sous la forme d'Esprit, tout simplement. Bon, si tu prends maintenant le verset 28. Si nous prenons le verset 28, Jean 14, toujours verset 28, il dit, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Donc, dans la fonction de Père, en fait, la fonction de Père est, a un degré de responsabilité plus élevé que la fonction de Fils. C'est simplement ce que ça veut dire dans leur hiérarchie. Mais ça ne veut pas dire que le Père est plus grand que le Fils au sens littéral, là, comme nous sommes en train de lire, que c'est deux personnes, il y a un Dieu qui est plus grand que l'autre, qui est plus petit. Non, c'est juste que dans la fonction de Père, Dieu a souverainement décidé que la fonction de Père a un degré de responsabilité plus élevé, puisque c'est le Père qui envoie le Fils, en fait. Tu vois? Donc, c'est juste ça. Mais ce qui, moi, m'intéressait ici, c'est le début où il dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. En fait, ici, il s'agit du Saint-Esprit. Donc, Jésus est monté au ciel lors de l'ascension et il est revenu sous la forme d'esprit ici et je reviens vers vous et ça nous avons la confirmation maintenant dans Matthieu 28. On a lu tout à l'heure Matthieu 28, mais pour expliquer autre chose où on parlait du Père, du Fils et du Saint-Esprit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit avec nom au singulier, on va voir un autre aspect toujours dans ce verset là mais pour parler de l'esprit maintenant. Il dit, verset 20, Matthieu 28, verset 20, il dit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, c'est Jésus qui dit, hein. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Toi et moi qui sommes croyants, est-ce que toi tu as déjà vu physiquement Jésus? Jamais. Moi, je n'ai jamais vu physiquement Jésus. Mais il dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. De quoi parle-t-il? C'est parce que nous sommes habités par son esprit jusqu'à ce que nous partions de cette terre. C'est-à-dire qu'il revient en nous, il sera avec nous, mais sous la forme de l'esprit qui habite en nous, tout simplement. Donc, on voit que l'esprit n'est autre chose qu'une autre incarnation, en fait, de Dieu. C'est une autre incarnation de Jésus, puisqu'il a dit, je suis avec vous, moi Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, l'esprit Jésus est manifesté dans notre dispensation aussi, sous la forme de son esprit qui habite en nous. Amen. Donc, voilà comment on comprend un peu cette relation-là. Et ça, maintenant, je vais te donner quelques versets qui sont encore plus littéraux pour comprendre que ce n'est que l'Esprit Saint que nous avons, ce n'est que la présence de Jésus qui vient se manifester, en fait, dans notre cœur sous la forme de l'Esprit. Si nous prenons Romains 8, 8. Romains 8, 8. Romains 8, 8, on essaye de balayer de façon exhaustive pour que ça puisse éclairer au maximum les personnes qui vont écouter, qui peuvent être bloquées sur un aspect, un autre aspect, ainsi de suite. Alors, si on prend Romains 8, 8, il est écrit, Or, ceux qui sont... Attends, Romains 8, je crois c'est 11, hein, si je ne me trompe. Alors, est-ce que c'est ça? Donc, prenons plutôt 1 Pierre. Attends, parce que Romain, alors... Ah oui, attends. On va prendre Romain 8, verset 11. Voilà. Romain 8, verset 11 dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Bon, ça c'est l'esprit qui habite en nous, mais ce n'est pas ça. J'ai pas la bonne référence. Alors, bon, prenons, j'ai un autre verset. Ah, voilà. Pardon. Chez moi, c'est décalé. C'est plutôt Romains 8, verset 9. C'est ça. Romains 8, verset 9 dit: pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. D'accord? Il appelle l'esprit de Dieu habite en vous. Et il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc l'esprit de Dieu n'est autre que l'esprit de Christ, qui n'est autre que l'esprit saint que nous avons en nous. Donc en fait, c'est l'esprit de Jésus que nous avons reçu en nous. Et qui nous permet de marcher dans la sainteté et dans la vérité. Si nous prenons maintenant pour confirmer ça, parce que comme nous disons, sur la déclaration de deux témoins, on valide la chose. Donc, on va prendre un deuxième verset pour confirmer ça. 1 Pierre 1, verset 11. Voilà, 1 Pierre 1, verset 11. 1 Pierre 1, verset 11 dit... Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapporteraient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Donc on voit ici que les prophètes étaient habités par l'Esprit de Christ. Et ça c'est l'Esprit Saint et c'est cet Esprit-là que nous avons en nous. Donc ça nous confirme que dans la dispensation de l'Église que nous vivons en ce moment, Jésus est présent au milieu de nous, manifesté en esprit en fait. Donc l'Esprit Saint que nous avons, ce n'est autre que la présence de Jésus manifestée au milieu de nous, comme il a dit dans Matthieu 28 au verset 20: et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si nous prenons maintenant acte 16 verset 7, on va continuer à confirmer ça. Acte 16, verset 7, maintenant nous dit: arrivés près de la Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Verset 8, ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision et ainsi de suite. Bon, je prends même à partir du verset 6. Ça c'est mieux. Verset 6 et 7. Acte 16, verset 6. Empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Verset 7. Arrivés près de la Misie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. On comprend bien qu'au verset 6, le Saint-Esprit qui a empêché d'aller annoncer la parole en Asie, c'est le même Esprit de Jésus là qui ne leur permit pas d'aller en Bithynie. Donc, le Saint-Esprit et l'Esprit de Jésus, ce n'est autre que l'Esprit qui habite en nous. C'est exactement la même chose. Et c'est Jésus incarné sous la forme spirituelle dans notre dispensation. Donc, si je prends maintenant Philippiens 1 au verset 19, parce qu'un verset peut nous parler et puis à quelqu'un d'autre, c'est un autre verset qui lui parle. Donc, c'est pour ça que j'essaye de donner un maximum de versets. Alors, Philippiens 1, verset 19. Philippiens 1, verset 19 nous dit « Car je sais cela, je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Grâce à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Il aurait pu dire grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Ça veut dire exactement la même chose. C'est-à-dire que grâce à l'assistance de Jésus, en réalité, puisqu'il a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais seulement, ce n'est plus un Jésus manifesté en chair, mais c'est Jésus manifesté en esprit. Donc, c'est pour ça qu'il parle de l'Esprit de Jésus, qui n'est autre que l'Esprit Saint. Maintenant, on va lire un autre verset où c'est littéralement écrit. C'est dans 2 Corinthiens 3, verset 17. Et là, c'est encore plus littéral que ce que nous venons de lire là. 2 Corinthiens 3, verset 17 nous dit « Or, le Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est la vérité. » 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est Jésus-Christ, c'est l'Esprit. C'est-à-dire que le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. En fait, dans notre dispensation, le Seigneur est manifesté au milieu de nous sous la forme de son Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est le Saint-Esprit, là est la vérité. Là où est le Seigneur, là est la vérité. Mais le Seigneur n'est plus humainement présent au milieu de nous, mais il est manifesté au milieu de nous sous la forme de son Esprit en ce moment-ci. Nous allons prendre encore une autre réalité qui nous montre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont autres qu'un seul et même Dieu qui s'incarne, qui a choisi de se manifester de trois façons différentes. Si nous parlons de la résurrection de Jésus, lorsque Jésus est ressuscité, nous allons lire que l'œuvre de la résurrection de Jésus est attribuée au Père dans Actes 2 au verset 24. Acte 2, verset 24 nous dit que c'est le Père qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Acte 2, verset 24. C'est là maintenant que je pense qu'il y a encore d'autres lumières qui vont venir maintenant. Acte 2, verset 24. Dieu l'a ressuscité, c'est-à-dire Dieu, quand on dit Dieu, nous on comprend bien qu'il parle du Père. Mais on a même dit que Jésus aussi est Dieu, donc bon. Il dit Dieu l'a ressuscité, parlant de Jésus, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par zèle. Donc on comprend que c'est Dieu le Père qui a ressuscité, c'est Dieu manifesté en Père qui a ressuscité en fait Jésus, ici là, dans Acte 2, verset 24. Nous allons lire maintenant d'autres versets qui nous disent que Jésus s'est ressuscité lui-même aussi. C'est là où ça devient intéressant. Prenons Jean 2. Jean 2, verset 19. « Jean chapitre 2 verset 19 nous dit, Jean 2 verset 19 nous dit, Jésus leur répondit, détruisez ce temple. Il parle de lui, il parle de son corps. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Il parle de sa résurrection. Il n'a pas dit et en 3 jours mon père le relèvera. Il dit et en 3 jours je le relèverai. Il parle du temple de son corps et il parle de la résurrection. Quand il parle de se relever, il parle de la résurrection de son corps. Il dit moi-même je vais me ressusciter en fait. Et nous savons que contrairement à Lazare qui a été ressuscité par Jésus, ou la fille de Jaïrus qui a été ressuscitée par Jésus, ou Éticus, celui-là qui écoutait la parole de Dieu et qui est tombé et que par Paul, Dieu a ressuscité, Jésus lui n'a eu besoin de la prière de personne pour ressusciter, il est ressuscité tout seul. Et c'est ça qu'il dit ici, Jean 2 verset 19, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. C'est-à-dire qu'il ressuscitera lui-même d'entre les morts, indépendamment de quiconque. Si nous prenons maintenant... Oui. Exactement. Il pensait qu'il parlait du bâtiment, alors que Jésus était en train de parler du temple de son corps. Et quand il parle des 3 jours, on sait bien que ça fait référence à la résurrection. Donc, si on prend maintenant dans Jean 10 au verset 17, Jean 10 verset 17. tu vois comment le mystère commence à s'éclairer. Hein? On voit que Dieu peut faire des choses que nous, on ne peut pas comprendre ça. Si tu prends Jean 10 au verset 17, Jean 10 verset 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Donc Jésus donne sa vie et il la reprend lui-même. Il donne sa vie en étant crucifié à la croix et il la reprend lui-même, c'est-à-dire qu'il ressuscite de lui-même sans avoir besoin de personne. Verset 18, personne ne m'ôte, ne me l'ôte, c'est-à-dire ne me l'enlève ma vie, mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est-à-dire que Jésus a l'autorité, il a le pouvoir de donner sa vie à la croix et aussi de ressusciter par lui-même. Or, dans Acte 2, verset 24, on a vu que c'est Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Ici, il dit que lui-même, il a le pouvoir de le faire. Lui-même, il peut le faire. Donc, en fait, puisque nous savons que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, et ici, il nous dit que c'est lui-même qui s'est ressuscité d'entre les morts, d'après les 2 versets, on voit que le Père et lui ne sont que un, effectivement. C'est un seul et même Dieu qui est en train d'agir comme ça dans des fonctions différentes. Si je prends maintenant Romains 8 au verset 11, ce que nous avons lu tout à l'heure, là maintenant on voit que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. et ça c'est assez extraordinaire. Hein? C'est le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts, c'est Jésus lui-même qui s'est ressuscité d'entre les morts, et c'est le Saint-Esprit aussi qui l'a ressuscité d'entre les morts. Ça montre que tout ça, en fait, ce n'est qu'un seul et même Dieu qui se manifeste comme ça de plusieurs façons. Et là, on voit que Dieu était incarné dans ces 3 fonctions pour y arriver. Alors, si... Donc, je lis Romains 8, verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc c'est son esprit qui va redonner la vie à nos corps mortels. Voilà ce qui est écrit là. Donc c'est le Saint-Esprit aussi qui a ressuscité, ramené Jésus d'entre les morts. Et même notre propre résurrection aussi. Nous savons que nous allons ressusciter si ceux des chrétiens qui sont morts en Christ vont ressusciter à la fin des temps, au retour de Jésus. Et on voit ça dans Jean 5 au verset 21. Jean 5, voilà, Jean 5 verset 21. Jean 5, verset 21, il nous est dit, « En effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. » Le Père ressuscite d'entre les morts, le Fils aussi fait vivre qui il veut. Bon, prenons maintenant le Père ressuscite d'entre les morts. C'est surtout ça que nous devons retenir. Si nous prenons maintenant Jean 6 au verset 40, donc juste la page d'après. Jean 6, oui, Jean 6 verset 40 dit, « Voici en effet la volonté de mon Père. » Que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je. Qui est le je ici? C'est le Fils là, c'est Jésus-Christ. Je le ressusciterai le dernier jour. Jean 5, 21 nous dit que c'est le Père qui ressuscite le dernier jour, d'entre les morts. Ici là, Jésus dit que c'est lui qui ressuscite d'entre les morts. Et si on prend Romains 8 au verset 11, on voit que c'est l'Esprit aussi qui ressuscite d'entre les morts. Donc on comprend que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout ça, ils sont réunis en un seul Dieu, une seule représente un seul et même Dieu manifesté dans des fonctions différentes, tout simplement. Donc maintenant, je vais prendre quelques questions polémiques. Je pense que au niveau de la compréhension de la personne de Jésus, au travers de tout ce qu'on a balayé là, on comprend véritablement qui est Jésus. Jésus n'est autre que Dieu qui s'est incarné dans la chair humaine, qui est venu vivre et qui a porté le titre de Fils, qui a incarné la fonction de Fils lorsqu'il était sur la terre. Et voilà. Donc maintenant, nous allons voir un peu quelques passages qui troublent un peu les gens. Bon, nous en avons déjà expliqué, nous allons continuer à expliquer. Si nous prenons Étienne, ce que Étienne a vu lorsqu'il était lapidé, je sais que ça embrouille beaucoup de personnes. Acte 7, verset 55 à verset 56. Acte 7, verset 55 à 56. Mais Étienne, c'est bon? Oui, acte 7, verset 55. Voilà. Donc, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose qu'on néglige, mais qui a toute son importance. Étienne, rempli du Saint-Esprit. Ce n'était pas Étienne comme ça, avec les pensées humaines et tout ça. C'est un Étienne qui est rempli du Saint-Esprit. Ça va être important. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Ça, c'est très, très bien. Il a vu la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc, quand les gens voient ce passage-ci, ils disent, mais voilà, même dans le ciel, il y a Jésus qui est là et il y a le Père qui est assis à côté de lui et Jésus est à sa droite et le Père est à la gauche. Bon, nous, on voit ça avec une vision humaine. Mais on a bien dit ici Étienne rempli du Saint-Esprit. Nous prenons simplement Ésaïe. Nous allons prendre simplement Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Alors, Ésaïe 41, verset 10. Il nous est dit, Ésaïe 41, verset 10, « Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. » Je te soutiens de ma droite victorieuse. Je te soutiens de ma droite triomphante. Donc, en fait, dans le langage spirituel, parce qu'on nous dit bien que Étienne était rempli du Saint-Esprit. Donc, dans le langage spirituel de Dieu, quand on parle de la droite de Dieu, ce n'est pas un endroit physique. Ce n'est pas un endroit physique qui serait véritablement à la droite de Dieu le Père, au sens physique du terme « ma droite et ma gauche ». C'est juste le langage spirituel de ce que moi je comprends des Écritures. Hein. Après, je ne prétends pas avoir une connaissance absolue des Écritures, parce qu'on ne connaît qu'en partie. De ma compréhension, en fait, cela ne représente que la puissance de Dieu. Donc, quand Étienne dit « J'ai vu Jésus debout à la droite de Dieu », pour moi, ça veut dire simplement qu'il a vu Jésus manifesté en tant que Dieu puissant, tout simplement. En tant que la puissance de Dieu manifestée, tout simplement. Donc, et on va lire encore plein d'autres versets, hein, ce n'est pas seulement celui-là. Prenons le psaume 17 au verset 7. Psaume 17, verset 7. Ça, parce que quand on passe, on ne voit pas que Étienne est rempli du Saint-Esprit. On pense qu'il parle seulement comme ça, qu'il a vu vraiment. Psaume 17, verset 7 nous dit, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, montre les merveilles de tes bienfaits par ta droite contre les assaillants. Donc on voit que c'est la droite de Dieu qui combat. Donc la droite de Dieu, c'est ça la puissance de Dieu. Donc on voit simplement que Étienne a vu Dieu puissant manifesté. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant, puisque Ésaïe 9:5 dit qu'on appellera l'enfant quoi? Dieu puissant, vrai ou faux? C'est ça qu'on a lu tout à l'heure, non? Que l'enfant nouveau-né là, qui va arriver, qui est Jésus, sera appelé Dieu puissant. Donc c'est le Dieu puissant que Étienne a vu. Et la droite de Dieu représente uniquement la puissance de Dieu. On va continuer à le voir. Prenons maintenant le psaume 18, verset 35. Psaume 18, verset 35. « Il exerce mes mains à la bataille, et mes bras tendent l'arc de bronze. » Attends. Psaume 18, verset 35. Voilà. Et verset 36. « Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et ta mansuétude me fait devenir grand. » C'est la droite de Dieu qui soutient. C'est la puissance de Dieu incarné qui soutient. Donc la droite de Dieu n'est autre que sa puissance. Nous prenons un peu plus loin le psaume 20 au verset 6. On va voir tout ça, c'est distillé dans la parole de Dieu. C'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est là dans la parole de Dieu. Psaume 20, verset 6. nous crierons de joie à cause de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu, l'Éternel accomplira toutes tes demandes. Alors, je reconnais maintenant que l'Éternel sauve son Messie, il lui répondra de son sanctuaire céleste par le secours puissant de sa droite. Le secours puissant de sa droite. On voit encore que là, on nous parle de la puissance de Dieu. Quand on parle de la droite de Dieu, c'est sa puissance en fait. Ici. On peut encore continuer. Hein? Le psaume 21, verset 8. Ça, c'est... Psaume 21, verset 8. Je crois que c'est un peu décalé chez moi. Alors, le roi se confie en l'Éternel et par la bienveillance du Très-Haut, il ne chancelle pas. Verset 9. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera tous ceux qui te haïssent. Ta droite trouvera tous ceux qui te haïssent. En fait, ta droite combattra les ennemis, tous ceux qui te haïssent. Donc, c'est ça qu'on voit tout au long des Écritures. Psaume 44, verset 3. Psaume 44, verset 3. Je sais que ce passage-là, j'insiste beaucoup dessus parce que ça a troublé beaucoup de personnes. Psaume 44, verset 3. Psaume 44, verset 3. De ta main, tu as dépossédé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour leur permettre de s'étendre. Verset 4. Car ce n'est pas avec leur épée qu'ils ont possession du pays. Ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite. Amen. C'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu leur étais favorable. C'est la droite de Dieu qui les a secourus. C'est la droite de Dieu qui a mené le combat pour eux. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est ta lumière, la lumière de ta face. Donc c'est vraiment la droite de Dieu représente, on voit des versets et des versets, il y en a plein encore. Psaume 48, verset 10. Psaume 60, verset 5. Psaume 63, verset 8. Psaume 74, verset 11. Psaume 77, verset 10. Psaume 78, verset 54. Psaume 89, verset 13. Psaume 98, verset 1. Psaume 108, verset 6. Psaume 118, verset 15 à 16. Psaume 138, verset 7. Psaume 139, verset 10. Donc, on voit c'est partout dans la parole de Dieu. Donc, je pense que on comprend par là que quand Étienne, en tout cas de ma compréhension, lorsque Étienne dit qu'il a vu Jésus debout à la droite de Dieu, il dit simplement qu'il a vu Jésus manifesté en Dieu puissant. Ce qui corrobore bien Ésaïe 9:5 où l'enfant nouveau-né sera appelé Dieu puissant. Et on a vu tous ces versets du livre des Psaumes et de Ésaïe qui montrent que lorsqu'on parle de la droite de Dieu, il s'agit juste de la puissance de Dieu. Bon, si on prend maintenant Luc 3 du verset 21 au verset 22, on va parler rapidement du baptême de Jésus, comme on l'a même déjà abordé en amont, puisque tu as posé la question. Je vais juste relire le passage. Hein. C'est Luc 3, de 21 à 22. Comme ça, on aura balayé les principales contradictions. Luc 3, verset 21 à 22. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et il vint une voix du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. » Dans ça, on a déjà expliqué, on a même pris les passages de l'Ancien Testament où Abraham a eu une manifestation de Dieu, une théophanie, où trois hommes sont venus et il s'est prosterné devant eux. Donc on a bien compris en fait que Dieu a tout à fait la capacité de se manifester en trois ou en plusieurs, puisqu'on a vu que dans Jean 14 verset 23 où il nous est dit que si quelqu'un aime le Père et qu'il garde les commandements, le Père et le Fils viennent faire leur demeure en lui. Nous savons que nous sommes des milliers de chrétiens, donc ça veut dire que des milliers de chrétiens qui obéissent à la parole de Dieu, le Père et le Fils habitent en eux sous la forme de l'Esprit, tout simplement. Donc on comprend que le Père et que Dieu a la capacité de s'incarner en des milliers même. Donc ce n'est pas seulement trois comme il a fait là, il peut s'incarner même plus que ça encore. Donc voilà, c'est pas une question qui doit nous faire peur là. Le fait que le ciel s'ouvre, le Père parle, le Fils est dans l'eau et le Saint-Esprit descend sous la forme corporelle d'une colombe, c'est simplement une théophanie de Dieu qui se manifeste en trois comme ça, physiquement, et ça, c'est pas nouveau dans la parole de Dieu. Donc, voilà pour le baptême de Jésus. Après, on a d'autres passages qui mentionnent le Père et le Fils. On a par exemple Éphésiens 1:1. On va lire rapidement, on va juste dire un mot là-dessus. Ça, en fait, c'est pour refuter les contradicteurs, hein, parce que ça va toujours arriver. Ou en tout cas, pour soutenir notre compréhension des choses. Et après, on ne dit pas qu'on a la vérité absolue. Si d'autres personnes ont compris d'une autre façon, il faut prier pour que Dieu éclaire. Si je prends... Oui, Éphésiens 1:1, parce que ça, en fait, c'est une question de révélation. Tout ce qu'on lit là, il faut vraiment prier dessus. Tout ce qu'on a dit, vraiment prier que Dieu puisse révéler véritablement que c'est ça la vérité, ce qu'on a entendu, quoi. Parce que si Dieu ne nous donne pas la révélation de Jésus, on aura beau tâtonner, on peut lire la Bible du début jusqu'à la fin, revenir, monter, descendre, mais on ne pourra pas comprendre. Alors, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu au saint et fidèle en Jésus-Christ, qui sont à Éphèse. Donc, ça c'est Éphésiens 1:1. Donc, il parle de Dieu et il parle de Jésus. On comprend bien ici, il parle des saints et fidèles en Jésus. On sait bien que la tête de l'Église, c'est Jésus. Les saints sont ceux qui font partie de l'Église. Et Jésus est leur tête. Donc, normal que Jésus, qui est le nom de la fonction de fils ici, soit invoqué lorsqu'on parle de l'Église. Et après, il y a Dieu qui a établi Paul comme apôtre. Donc, dans la fonction de père, c'est là que, justement, Paul, dans Jésus, dans sa fonction de père, a justement manifesté la volonté que Paul devienne apôtre. C'est en tout cas, c'est ça qui est renvoyé par ce verset-là. Et si on lit au verset 3 aussi, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » On a bien compris. Et si on prend Apocalypse 1:1 ou bien Romains 1:7, qui parle de Dieu et de Jésus-Christ, en fait, ça ne doit pas nous amener à penser que, en fait, il parle de deux personnes ou de deux entités distinctes. En fait, c'est simplement, il parle du même Dieu dans deux fonctions différentes. Parce que les fonctions, comme on a vu, ne se confondent pas. Quand Dieu est dans la fonction de fils, il a des attributions qu'il doit faire. Quand il est dans la fonction de père, il a des attributions qu'il doit faire. Et si il a des fonctions qui sont de l'ordre de la s'il a des comment dire si on invoque des choses qui renvoient à la fonction de père et de fils, on ne va pas dire simplement Jésus une fois. On va dire le père et on va parler également du fils pour dire que ce sont ces deux, dans ces deux fonctions-là qu'on retrouve la chose dont on veut parler. Sinon, dans la fonction de fils seulement ne peut pas remplir cela et la fonction de père seulement ne peut pas remplir. C'est pour ça qu'on est obligé de garder toujours l'appellation de père, l'appellation de fils, l'appellation de Saint-Esprit. Donc, maintenant, par rapport à tout ce que nous avons partagé là, je veux quand même avoir beaucoup de modestie, comme nous avons dit déjà en préambule qu'on ne prétend pas avoir la connaissance absolue de la parole. Ce n'est que le fruit d'une révélation du Seigneur, hein, de révélation de sa parole éclairée par le Saint-Esprit. Et ça, Dieu le fait dans le cœur de tous ses enfants qui le demandent sincèrement, qui s'agenouillent devant le Seigneur et qui disent « Bon Seigneur, je ne vais pas m'appuyer sur mes acquis ou bien sur ce que j'ai toujours cru être la vérité. Moi, je peux t'avouer que au début de ma conversion, pour moi, la Trinité, ça m'allait bien. Je comprenais bien ça. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est bien éclairé que c'est quelque chose qui ne vient pas de la parole de Dieu. Donc, je vais lire pour cela 1 Timothée 3,16. Donc, aujourd'hui, on peut avoir la révélation que Jésus est le Fils de Dieu, mais progressivement le Seigneur va nous faire grandir dans la connaissance du mystère de Christ et va révéler encore d'autres dimensions plus profondes de Christ jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il est en même temps Père, après qu'il est aussi le Saint-Esprit et ainsi de suite. Mais là, il faut vraiment fléchir le genou devant le Seigneur et lui demander vraiment de nous expliquer les choses telles qu'elles sont, sans vraiment s'appuyer sur des acquis inébranlables qui ne peuvent pas bouger. Parce que tant qu'on est, focalisé comme ça sur ces acquis, Dieu ne peut pas nous aider dans la croissance, hein, de la compréhension du mystère de Christ. Donc si je prends 1 Timothée 3 au verset 16, et c'est sur cet avant-dernier verset qu'on va... on va conclure. 1 Timothée 3, verset 16 nous dit « Toute écriture est inspirée... » Ah non, là c'est 2 Timothée 3, 16. Là, 1 Timothée 3, 16, autant pour moi. 1 Timothée 3, 16 dit « Mais... il m'a été fait miséricorde. » 1 Timothée 1, autant pour moi. Excuse-moi. 1 Timothée 3, 16. Et il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Donc, ça veut dire que la question que nous abordons là, c'est une question qu'il faut aborder avec beaucoup d'humilité, en sachant bien que le mystère est grand, en fait. Il y a un grand mystère là, et il dit encore, « Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit et apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. » Donc, il parle ici le mystère de la piété, qui est le mystère de la compréhension de qui est Christ, est grand. Donc, s'il est grand, ça veut dire que, en fait, pour comprendre ce mystère-là, nous grandissons progressivement dans la compréhension du mystère de Christ. Donc, on peut avoir une compréhension aujourd'hui de qui est Christ. Demain, le Seigneur nous ouvre, il fait encore tomber un voile. Après-demain, il fait encore tomber un autre voile. Et on va grandir comme ça dans le mystère de Christ jusqu'à ce que nous puissions atteindre la statue parfaite de Christ, c'est-à-dire au moment justement où... Nous allons être enlevés. Au moment de l'enlèvement, là, nous allons revêtir les corps glorieux. Et là, nous allons connaître totalement le mystère de Christ. Mais pour l'instant, le Seigneur ne nous révèle que ce qui est possible d'être révélé. Et je lis maintenant le dernier verset sur lequel on va arrêter. C'est 1 Corinthiens 13, verset 9. 1 Corinthiens 13, verset 9. 1 Corinthiens 13, verset 9 nous dit, car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Donc, l'explication que nous pouvons avoir aujourd'hui, déjà nous faisons confiance et nous nous appuyons uniquement sur le Saint-Esprit qui a inspiré ces écritures et qui nous a inspiré pour parler de ces choses-là. Nous nous appuyons et nous faisons confiance uniquement au Saint-Esprit, mais nous reconnaissons également que nous ne connaissons que partiellement. Et il est bien dit ici que c'est quand ce qui est absolu, hein, au verset 10, c'est quand ce qui est parfait sera venu que ce qui est partiel sera aboli. Donc ce qui est parfait, c'est lorsque nous aurons revêtu ces corps glorieux et que nous aurons atteint la stature parfaite de Christ, c'est à ce moment-là que ce qui est parfait sera manifesté. C'est-à-dire que nous aurons une compréhension parfaite vraiment de l'identité de Jésus-Christ. Ce n'est qu'à ce moment-là. Donc maintenant, nous ne pouvons nous contenter que de ce que Dieu nous a révélé, sous réserve que cela soit en conformité avec l'écriture de la parole de Dieu. Amen. Bon, je propose que nous terminons par la prière, après on pourra échanger dans des questions si tu le souhaites, et puis je vais couper l'enregistrement. D'accord. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu d'amour, merci encore Seigneur pour ces moments que tu nous as donné de partager ta parole. Merci parce que tu nous as conduits encore dans les Écritures, que tu nous as éclairés par ton Saint-Esprit, Seigneur Père, Dieu Tout-Puissant. Père, voici notre modeste contribution, on va dire, Seigneur, dans cette méditation, mais c'est toi qui conduis toutes choses, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, maintenant que nous allons le mettre à la disposition de d'autres bien-aimés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous te le remettons entre tes mains, Seigneur Dieu, que tu puisses leur révéler également, Seigneur, ces choses-là, Seigneur Père, et que s'il y a des aspects, Seigneur Dieu, qui sont incompris ou mal compris, ou que nous avons mal compris, Seigneur Dieu, que tu puisses nous les révéler encore, Seigneur Père, afin que nous puissions grandir dans le mystère de la piété, Seigneur, parce que nous savons que ce mystère est grand, Seigneur, et ce n'est que lorsque ce qui est parfait sera arrivé que nous pourrons avoir une compréhension complète, Seigneur Dieu, du mystère de Christ. Ô Père éternel, continue à nous conduire dans tes voies, Seigneur. Continue à nous révéler ta parole, Seigneur Dieu, et donne-nous aussi d'être en bénédiction, Seigneur, à nos frères, à nos sœurs, Seigneur Dieu, qui t'aiment également, qui te cherchent également, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, que cet enseignement puisse être une bénédiction et que s'il y a quelque chose là-dedans qui ne correspond pas à ta parole, que tu puisses le corriger dans les cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci encore de nous conduire dans toute la vérité de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.